vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Dominique Nutmavungu nous fera goûter à sa fricassée. Dans sa chronique Voix d'Afrique. Et Jimmy Thibodeau va se mettre les pieds dans les plats. Eh bien oui, encore une fois, en parlant contre la gauche dans Gauche RBV. J'espère. Assemblage requis, c'est parti. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à l'Assemblage requis. En ce mardi 6 février 2018, on est à 80 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin, on est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières, situés sur le campus de l'université. Arrête donc ça. Eh ben oui. As-tu remarqué qu'il fait pas noir comme à 3h du matin en ce moment? C'est vrai, et je sais pas pourquoi il s'est remis à neiger, mais juste ici. D'après moi, c'est isolé. C'est peut-être le toit. Peut-être le toit qui est pas isolé. Exactement, la petite... La petite poudrerie. Mais bref, au moins, il commence à faire déjà clair à seulement 7h04. Oui, ça, c'est la grande espoir. Mais ça veut dire que peut-être un jour, l'hiver va nous quitter. Hey, hein, c'est long, hein. Il n'y a pas grand-chose aussi long que ça. Ben... Que l'hiver. Ouais, j'ai des exemples, mais je vais les garder pour moi. aujourd'hui, l'émission, on a Marc-Olivier Dumas qui va être avec nous pour Sport et Filoché vers les 8h. On va parler de sport, surtout des Patriotes. Oui. Ce qui s'est passé dans les dernières journées. Mm-hmm. Voilà. Ça, c'est à 8h. À 8h30, Dominique Nutmavungu et Voix d'Afrique, lui qui fait le tour de tout ce qui se passe sur le continent africain, que ce soit sur Internet, dans les sports, en musique, peu importe. Ensuite, à 9h, Jimmy Thibodeau et Gauchère Bévue, lui qui est de la gauche et critique la gauche en étant très, très, comment dire, nuancé. Ah, OK. C'est beau, ça? Ouais, ouais, ouais, j'aime bien. Mais merci beaucoup. Plus tard dans l'émission aussi, ta chronique à toi, Tania is gonna entertain you. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Je vais vous parler des Canadiens et la nourriture. OK, pas l'équipe de hockey. Non, okay. pas les Canadiens de Montréal. Je vous parle des Canadiens, nous, les Canadiens. Les Canadiens. Vivons au Canada. Ouais. Et notre rapport avec la nourriture. Oh! Ouais. OK. Intéressant. Intéressant. Mm-hmm. Donc, c'est l'émission d'aujourd'hui. Ça et beaucoup plus. Comme toujours, on a 3 heures ensemble. Mais on va commencer en musique avec une petite chanson qui fait très, très début d'émission. Hein. Et on retourne à Ada. Plus les palmarès en ce moment. Avant. Une vieille pièce. Vieille, relativement. Voici Crying's Just a Thing That You Do de J.D. McPherson. Assemblage requis jusqu'à 10 ans. You do. Crying's just the thing that you do. McPherson avec Crying's Just a Thing That You Do. C'est ce que je fais en début d'émission à chaque fois que l'ordinateur va mal. Oh oui. Chose qui est assez courante. Ouais, tu sais. C'est une tradition, pourquoi changer? Ben oui, hein, voyons. C'est ça. Stagne. Donc maintenant, c'est son foutu palmarès. Jusqu'à ce que je c'est la chronique qu'on a établie sur un sujet plus ou moins précis. Aujourd'hui, quand même assez précis, on parle des Simpsons. Oh, très oui. Précis. On dirait que tout le monde parle des Simpsons, mais une fois de temps en temps. Il y a comme un moment de, je sais pas si c'est de l'année ou de, lors d'une période où tout le monde, on dirait, parle des Simpsons. Et après ça, le reste de l'année, personne n'en parle. On encore dit que c'est plus bon depuis des années. Je sais pas. Ben, moi, j'en parle jamais. Ben non, c'est ça. Il y a comme un petit engouement une fois de temps en temps. Et là, on dirait qu'on vit dans une petite période où les gens parlent des Simpsons. Ouais. Je sais pas. Donc, on va parler des Simpsons avec une liste sur le premier épisode des Simpsons. Mm-hmm. Le premier. Donc, ça a commencé, les Simpsons, le 17 décembre en 1989. Hein? Les Simpsons qui ont commencé sur Fox, et presque 30 ans plus tard. Ben, la série dure toujours. On se demande si les gens l'écoutent toujours. Apparemment que ouais. Oui. Hein? Donc, on va parler de l'épisode Simpsons Roasting on an Open Fire, qui est le premier épisode, donc du 17 décembre 1989. Pour commencer, c'était supposé commencer en septembre. À l'origine, donc, la première devait être à l'automne 1989, mais à cause de problèmes d'animation. La série a débuté le 17 décembre avec Simpsons Roasting on an Open Fire. Le pilote, à l'origine, Some Enchanted Evening, a été diffusé plus tard, en fait, comme finale de la saison. On l'a gardé pour la toute fin, donc ça faisait bizarre de voir le premier épisode à la fin, où ben on ouais. découvre les personnages. Marge était supposée se saouler dans le premier épisode. Oh, pas vrai? Ouais, selon Al Jean, la prémisse d'origine de l'épisode était que Homer s'en faisait parce que Marge allait se saouler à un party et puis lui causer des problèmes au bureau. Bon. Ouais. Le premier épisode, donc, n'a pas la célèbre séquence d'ouverture de la série. L'épisode, donc, ne l'avait pas du tout. Ça a été ajouté au deuxième épisode, Bart the Genius, parce que le créateur, Matt Groening, oui, il faut bien prononcer Groening, pensait qu'une séquence d'ouverture un petit peu plus longue allait vouloir dire moins d'animation à créer pour l'épisode en tant que tel. Le frère de Gwen Stefani a joué un rôle clé dans sa création. Un de ce qu'on appelle les layout artists, donc les artistes qui placent les choses, pour Simpsons Roasting on an Open Fire, était Eric Stefani, qui est le frère de Gwen et un membre fondateur de No Doubt. Barney avait l'air un petit peu différent dans le premier épisode. Il avait les cheveux jaunes. Oh. C'était la même couleur que sa peau. Ça a été plus tard changé parce que les gens croyaient que seulement les membres de la famille des Simpsons devaient avoir les cheveux jaunes. Lisa voulait vraiment un pony. Ah. Ouais, Lisa demande un pony 6 fois sur sa liste de Noël. C'est sa première réplique en fait dans la série. Elle a plus tard eu son pony dans l'épisode de la saison 3, Lisa's Pony. En partie, c'est inspiré par le bulletin de deuxième année de Matt Groening. Selon le commentaire sur le DVD, la portion Santa's of Many Lands du défilé de Noël était inspirée par son... un genre de compte-rendu qu'il a fait en deuxième année sur Noël en Russie. Voilà. C'est pas les Simpsons qui ont inventé la version alternative de Jingle Bells. On l'entend dans cet épisode-là, le premier. En fait, Groening dit que l'épisode a été crédité avec la création de cette version alternative de Jingle Bells, qui en anglais fait Jingle Bells, Batman Smells, Robin Laid an Egg. Mais ça n'a pas été créé par les Simpsons, ça date d'avant. C'était seulement la deuxième série animée à avoir été diffusée aux heures de grande écoute, donc en prime time, ouais. Depuis Les Pierres à Feu. Les Simpsons, donc seulement la deuxième série animée à être diffusée aux heures de prime time depuis la fin des Simpsons, 23 ans avant. L'autre, c'était Wait Till Your Father Gets Home, qui était diffusé entre 72 et 74, et dont personne ne se souvient, malheureusement. L'idée a été conçue sous l'influence de l'alcool. Selon le producteur exécutif James L. Brooks, la série des Simpsons a commencé comme plusieurs choses avec un animateur, donc quelqu'un qui fait un dessin animé, qui s'est saoulé lors d'une fête de Noël. Il faisait déjà l'émission de Tracy Allman et David Letterman qui était avec eux, qui allait plus tard... qui a plus tard réalisé le film des Simpsons, l'ont mis en coin pour essayer de le convaincre d'avoir une émission des Simpsons en prime time et ce que ça représenterait pour justement les animateurs, donc de dessins animés. Lisette était supposée foutre le trouble. Ah bon? Bon, selon Al Jean, dans les courts-métrages, les petits dessins animés tout courts du Tracy Ullman Show, Lisa était supposée être une petite fauteuse de trouble comme Bart, mais leur différenciation était plus large lorsque l'émission a finalement eu la série complète. Yearly Smith a auditionné pour le rôle de Bart. Yearly Smith, c'est la voix de Lisa en anglais. Elle a donc auditionné pour le rôle de Bart. Ça a duré peut-être 8 ou 9 secondes, se souvient-elle. C'est comme, OK, coupé, tu sonnes trop comme une fille. Mm. Fait qu'on va te faire jouer Lisa. Une performance à la troupe Second City a réussi à avoir une audition pour Dan Castellaneta, qui est celui qui joue Homer Simpson. Donc Dan Castellaneta qui a été invité à lire pour le rôle de Homer après que Tracy Ullman l'ait vu performer dans un sketch qui parlait d'un humoriste handicapé et aveugle à la troupe Second City à Chicago, et c'est comme ça qu'il a eu son audition. C'était la première apparition de Milhouse dans le premier épisode, donc Simpsons Roasting on an Open Fire, mais il existait déjà. C'était donc sa première apparition à l'émission. Oui, par contre, on l'a vu dans une publicité de Butterfinger, la barre de chocolat, en 1988. Donc, il était dans la publicité avant d'apparaître dans la série, ce qui est quand même particulier. Et le chien Santa's Little Helper, étant donné que Simpsons Roasting on an Open Fire était supposé être diffusé comme 8e épisode, le petit chien est mystérieusement absent du prochain épisode, donc Bart the Genius. Selon le commentaire DVD, les créateurs de l'émission ont reçu des lettres pour les encourager, les remercier donc de parler de l'abandon des chiens de course. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ensuite, on va continuer dans les Simpsons avec des événements que les Simpsons ont réussi à prédire. On a parlé souvent, fréquemment, à l'émission du fait que les Simpsons n'ont pas du tout prédit la campagne de Donald Trump, que la photo qu'on voit circuler sur Internet vient d'une capsule qui a été mise sur Internet après que Donald Trump se soit inscrit à la course à la présidence. Mm-hmm. Donc, on va parler de tout ce qui n'est pas ça que les Simpsons ont pu prédire. Donc, les Simpsons qui ont réussi à prédire plusieurs événements dans le futur, tout ça dans le passé, évidemment. Un épisode de 98, entre autres, montrait le logo de 20th Century Fox avec écrit en dessous « A Division of Walt Disney Company ». Et justement, Disney a acheté la plupart des possessions de 21st Century Fox pour 52,4 milliards de dollars récemment. En 2000, on se rappelle que les Simpsons avaient présenté une réalité alternative où Donald Trump était le président. Oui. Évidemment, les gens oublient de mentionner que Trump a mentionné qu'il allait s'inscrire à la course présidentielle plusieurs fois dans sa carrière, dont justement un petit peu avant ça. Bref, voici une petite liste de résultats surprenants. Hein. Pour commencer, l'attaque de Siegfried et Roy par rapport à leur tigre. Hein, c'est des magiciens à Las Vegas, Siegfried et Roy, qui ont passé des décennies à performer avec leur gros tigre sans aucun incident. En 1993, les Simpsons ont utilisé Gunther et Ernst, donc qui étaient des parodies de ce duo européen, pour exprimer les doutes de l'équipe d'auteurs de la série. À savoir, est-ce que ça allait tenir? Est-ce qu'ils allaient un jour se faire attaquer par des tigres? Un des tigres attaque donc pendant qu'il performe, ces deux-là, Gunther et Ernst, au casino de Springfield, le casino de Mr. Burns. En 2003, Roy Horn a été attaqué par un tigre sur la scène et ça lui a coupé l'artère et ça l'a laissé avec une paralyse partielle. Ouais. Horn qui maintient que le tigre ne lui en voulait pas. Une chance. Il était pas contre lui. C'était juste ça. Je sais pas comment ça s'est passé, mais ça s'est passé. Ensuite, le scandale des cheveux de Don Mattingly. C'est l'épisode de 1992 mettant en vedette Monsieur Burns. Donc, c'est l'épisode avec la balle molle, hein, où l'équipe engage des joueurs professionnels pour jouer à la balle molle. Le New York Yankee Don Mattingly est vu en train d'être rejeté de l'équipe à cause de ses longs cheveux. Ah, OK. Ouais, on voyait ses longs favoris. Donc, un mois après avoir enregistré son rôle dans la série, le vrai Mattingly a dû payer $250 US par les vrais Yankees pour avoir refusé de couper ses cheveux. Ça, c'est mal la même chose que dans l'épisode. Ouais. Ensuite, la viande de cheval. Dans l'épisode de 1994, Sweet Seymour Skinner's Badass Song, le directeur Skinner se fait rejeter de son poste après avoir fâché le surintendant de l'école. On voit que la femme de la cafétéria, Doris, préfère préparer les dîners de l'école en utilisant des morceaux de chevaux. Hein? Mm-hmm. Et en 2013, plusieurs producteurs de nourriture en France, en Suède et au Royaume-Uni avaient distribué des hamburgers congelés et d'autres produits qui contenaient de la viande de cheval, un additif donc qu'ils n'avaient pas mentionné sur leur emballage. Ensuite, ils ont nommé les Simpsons le gagnant d'un prix Nobel en économie 6 ans plus tôt que prévu. Dans un épisode de l'automne 2010, Millar essaie d'impressionner Lisa en contribuant donc une petite feuille de prédiction sur qui allait gagner le prix Nobel en économie. Son choix était Bengt Holmström du MIT, le Massachusetts Institute of Technology. En 2016, Holmström a été nommé un groupe a gagné le prix. Alors que dans l'épisode, le récipiendaire du prix de la paix, Krusty le clown, n'a pas, lui, reçu encore cet honneur. Il y a encore du temps. Le scandale de la corruption de la FIFA. Dans un épisode de 2014, Homer pétitionné par le chef d'une équipe de soccer pour l'aider à améliorer l'image de la Ligue après les allégations de corruption. Et finalement, on l'amène en menottes. En 2015, la FIFA, qui gouverne le soccer, finalement, a fait les grands titres après un grand scandale avec l'arrestation de 7 hauts placés de la FIFA pour avoir abusé de leur position pour un gain financier. Ensuite, le voleur du citronnier. Hein? Parlons de rivalité en 1995 avec les résidents de Shelbyville, on s'en rappelle, Bart et ses amis dont se demandent comment a pu disparaître l'arbre à citron de la ville de Springfield. En 2013, une femme de Houston a été confuse, elle aussi, avec la disparition de son propre arbre qui avait été retiré du sol et amené. La victime Kay Bruni a dit aux journalistes locaux que le voleur était trop stupide pour réaliser qu'il était trop tard dans la saison pour le planter ailleurs. Il y a des affaires comme ça que je me dis, OK, est-ce qu'ils ont prédit l'événement ou est-ce que les gens l'ont fait parce qu'ils ont vu les Simpsons? Ah ouais! C'est la question que je me pose. Ensuite, le traducteur pour bébé. On se rappelle du demi-frère de Homer, Herb, qui a renversé sa malchance en 1992 dans un épisode où il crée un appareil pour traduire les bruits d'un bébé en mots. C'est devenu une sensation. En 2015, une application nommée Infant Cries Translator disait convertir les bruits incohérents de votre enfant en quelque chose qui ressemblait à de l'anglais. Le développeur de l'application qui disait avoir analysé 100 nouveaux-nés pour aider à identifier leurs besoins. Ensuite, le meurtre de serpent. L'épisode de 1993, Whacking Day, où Lisa Simpson voit que la ville participe à la tradition annuelle de chasser et de tuer des serpents qui sont trop présents à Springfield. Et ben, en 2013 et en 2016, la région des Everglades en Floride a sanctionné un vrai concours de frappage de reptiles pour essayer de calmer donc l'abondance de pitons dans la région. Les organisateurs ont utilisé le nom moins sensationnel du Florida Python Challenge. Ensuite, on parle toujours d'événements qui ont été, entre guillemets, prédits par les Simpsons. Le vol d'huile de cuisson. Oui. En 2008, le New York Times a déclaré que l'huile de cuisson était devenue de l'or. Hein? C'était parce que c'était utilisé comme gaz. Oui, pour les moteurs, après avoir subi une conversion. Hein? On a détaillé donc des criminels qui avaient siphonné presque 2500 gallons de cette huile à cuisson d'un Burger King du nord de la Californie et d'autres endroits. En 1999, dans un épisode des Simpsons, Homer et Bart essayaient de faire exactement la même chose dans la cafétéria de l'école avant de se faire arrêter par groundskeeper Willie, le concierge de l'école. Ensuite, bien sûr, on pourrait pas passer à côté du poisson à trois yeux, hein? Ben non, le poisson à trois yeux Blinky dans les Simpsons, qui a été retiré de l'eau par Bart dans un épisode de 1990, un des plus connus, je pense. Donc, parler un petit peu de l'environnement pollué autour de Springfield et son usine nucléaire. Et ben, en 2011, des pêcheurs de l'Argentine ont attrapé un spécimen à trois yeux dans un réservoir qui recevait justement de l'eau d'une station nucléaire. Donc, c'est exactement la même chose que dans les Simpsons. Et finalement, le spectacle de la mi-temps du Super Bowl 51 par Lady Gaga. Donc, sa performance dans les airs au Super Bowl de 2017. C'était la première fois que le Super Bowl allait en temps supplémentaire. Bref, ça a eu des très bonnes critiques, ce spectacle-là. Et bien, finalement, il avait fait le test en animation 5 ans avant. Dans un épisode de 2012, Lady Gaga, qui jouait son propre rôle, volait au-dessus de Springfield avec un harnais, un peu comme elle a fait à Austin lors du Super Bowl. Évidemment, comme je l'ai dit tantôt, ça n'a pas été prédit. Hein? C'était dans Simpsons, fait qu'elle a juste imité ce qui avait été fait dans Simpsons. Parce que, clairement, Lady Gaga est au courant de ce que le dessin animé a fait. Hein? C'est plus de l'inspiration, probablement, que de la prédiction. Mais quand même, intéressant, en partie, ces listes sur les Simpsons. Allez voir les liens sur assemblagerequis.com. Voilà. Ça nous amène à notre prochaine pièce musicale, un petit morceau de musique. Hein? Mm-hmm. On va entendre une pièce du palmarès francophone, parce qu'on aime basculer d'une langue à l'autre. Ben oui, tout à fait. C'est souvent ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Donc voici Victime, avec une nouvelle entrée qu'on a entendue et... j'ai accroché le mauvais bouton, t'as vu? J'ai fait ça. Ça a passé inaperçu. Ça... Personne n'aurait su si tu l'avais pas t'es dit, Mathieu. Sûr, ben t'es oui. Sûr. Ah, ok, attends un peu. Non, gamin. Gamin, ça va être plus subtil. Ah, tu vois comment c'est beaucoup mieux à mes oreilles. Voici Victime et Fatigue. C'est ça, je suis fatigué. Ouais. Comme tout le monde. J'étais à l'assemblage requis. Comme des petits bâillements. Pareil. Toujours à Assemblage Requis, c'était Victime avec Fatigue. On prend une pause au retour. C'est Tania Is Gonna Entertain You. Manquez pas ça. Assemblage Requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage Requis. Oui. C'est fou. 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage de qui? Oui. Assemblage de qui? Toujours dans l'émission Assemblage requis, accompagné de Mathieu Plante et de Tania Baudin. Oh oui. Hey, hein? Dans quelques instants, on parle avec toi d'alimentation. Mm-hmm. C'est bien ça. Rappelle-nous ton sujet d'aujourd'hui. C'est bien ça. En fait, on va faire un petit lien entre la tendance des Canadiens et la nourriture. Oh, et encore une fois. Vous allez voir. Et là, je parle pas des gens, Canadiens de Montréal. Okay. C'est pas la tendance des pertes des games des Canadiens. Non, je parle des Canadiens Genre, nous, au Canada. Oui, oui, OK. Mais avant ça, on écoute une pièce qu'on se rappelait pas qu'on l'aimait bien. Ah ouais? Ouais, c'est celle de Fever Ray. Voici To the Moon and Back. À son âge requis. The Moon and Back de Fever Ray. Vous voulez même pas savoir de quoi on parlait pendant non, vraiment pas. La chanson. En fait, je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça à Tania, mais je sais pas, on partage des trucs dégueulasses. Écoute, ça arrive. C'est comme ça. Tiens, Tania, c'est les relations qu'on a ensemble, des trucs dégueux. Voici Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna dream. On parle de nutrition aujourd'hui. Oui, encore une fois. Pourquoi? Parce que je suis tombée sur un article qui m'a quand même, je veux pas dire surprise, mais qui m'a fait lever une interrogation quelconque. Qui m'a fait lever les sourcils, oui. On pourrait dire ça comme ça. J'ai eu une certaine interrogation, donc je me suis mise à chercher un petit peu plus. Mais sachez que, apparemment que les Canadiens, on mange beaucoup trop salé. Ah, ben c'est pas surprenant. C'est pas surprenant, mais en même temps, je me dis, ben si on compare aux autres, si on regarde, par exemple, les États-Unis, est-ce qu'on est vraiment pire que ça? Je me disais qu'on est... égal, pas mal, non? C'est ça. Donc, un Canadien moyen va consommer environ 3400 mg de sodium par jour. Okay. Et ça, mesdames, messieurs, c'est un peu plus que le double d'une consommation saine. Ben, c'est peut-être parce qu'on cuisine pas autant que d'autres pays. Peut-être les plats qui sont pré-emballés sont souvent extrêmement salé. Oui, en effet. Ça fait sortir le goût. Ben, hein? C'est ça. Puis, il y a un rapport qui a été publié un petit peu plus tôt la semaine dernière par l'Agence de santé publique du Canada, qui était en fait un bulletin Et si on écoutait ça, si on regardait ça comme si c'était un bulletin d'école, il n'y aurait pas grands élèves qui passeraient. Tu sais, c'est pratiquement là, la moitié des aliments qui sont transformés, donc 48%, a aucun progrès qui a été réalisé depuis 2012. Parce que si on se rappelle, en 2012, Santé Canada avait demandé à l'industrie alimentaire de justement réduire la quantité de sel qu'on allait mettre à l'intérieur de nos produits. Et si on regarde ça comme ça, on se rend compte que 48% des produits qui, en temps normal, auraient dû avoir une certaine réduction du sodium, n'a jamais vraiment connu cette réduction-là, qui est quand même une bonne teneur en sel. Donc, même les produits qui sont à faible teneur en sel, ou en tout cas moins, ils ont quand même du sel en masse dedans. Oui, ben oui, évidemment. C'est, tu l'as dit, ça relève le goût. C'est ça. Donc, dans certains cas, la quantité avait même augmenté depuis les dernières années. On s'est rendu compte qu'on en a mis plus. Il y a seulement 14% des catégories d'aliments qui ont atteint les objectifs. Quand on regarde ça comme ça, 14%, c'est pas énorme, OK? Ce qui nous mène à une triste constatation qui est les Canadiens mangent beaucoup trop de produits transformés. Ça, on le sait depuis quelques temps maintenant. Et on consomme encore beaucoup trop de sel. Parce que parfois, lorsqu'on va cuisiner, on va déjà à la base cuisiner avec des aliments qui vont être transformés. Mm-hmm. On va dire, si vous savez pas encore c'est quoi des aliments transformés, là, s'il vous plaît, faites une petite recherche Google, parce que ça serait beaucoup trop long. C'est pas mal tout ce qui se retrouve dans votre réfrigérateur. Mal, c'est ce qui est pas... fruits et légumes, ils ont eu des trucs, des fois, peut-être transformés ou... OGM, tout ça, ouais. Oui. Quand on parle d'aliments transformés, ce sont vraiment des aliments, comme par exemple des boulettes de viande, ou peu importe, qui ont été fait en usine avec des molécules scientifiques pour avoir du goût qui va être autre que tout simplement le goût naturel de l'aliment. On va y ajouter certaines choses pour pouvoir avoir un goût qui va être incroyable. Relevé. Et pour que ça coûte beaucoup moins cher aussi. Ben oui, c'est sûr. Mais je me demande vraiment qui sont les goûteurs de ces compagnies-là. Parce que, mettons les soupes ou les trucs comme ça, c'est tellement salé. Qui a goûté à ça? Quelqu'un qui n'a pas de langue? Probablement, je sais pas, quelqu'un qui mange beaucoup trop de sel déjà à la base, fait qu'il est tout brûlé. Ah, sûrement. Et puis de papier gustatif. C'est dégueulasse. Il faut le comprendre aussi, bien, les enfants aiment le salé, comme les enfants aiment le sucré. Il y a 8 adultes sur 10 qui ont un apport en sodium qui est trop élevé selon la constance qu'on voit présentement. Et il y a un fait troublant aussi, c'est 93% des enfants de 4 à 8 ans consomment trop de sel déjà selon l'Organisme fédéral de la santé. Wow! Les enfants sont dans les extrêmes, mais il y a des adultes qui sont comme ça aussi. Ce matin, je voyais sur Spotted Maman Bizarre. Bizarre. Oui, j'adore cette place-là. Okay. Mais quelqu'un a trouvé dans un magasin grande surface les petites chubbies. Oui. C'est comme des bouteilles de liqueur, mais comme c'est tellement sucré que je pense que tu pourrais, déboucher une toilette avec ça. Oui, il y a du sodium dedans. Mais c'est de l'extrême. Ouais. Les enfants aiment ça, mais apparemment, les adultes aussi, ça leur rappelle des souvenirs. Manger très, très, très salé, très, très, très sucré. Exactement. C'est pas comment ils font. Un petit effet de nostalgie. Ouais. En fait, ça fait quoi le sodium? Ça fait quoi le sel? Bien, l'excès de sodium dans l'alimentation, ça peut provoquer de l'hypertension artérielle. Il faut comprendre qu'au niveau de la santé, oui, on dit qu'on mange trop salé, mais est-ce que ça mène vraiment à certains problèmes? Oui. OK, sachez-le. Là. Donc, il y a un facteur de risque qui est quand même assez important au niveau des maladies cardiaques, au niveau des accidents vasculaires cérébraux aussi. Santé Canada tient justement à rappeler à la population, en fait, que si vous tentez un petit peu d'éliminer les produits transformés, vous allez déjà à la base réduire de beaucoup votre apport en sodium dans une vie quotidienne. C'est sûr et certain qu'on a tous un budget qui est alloué à notre alimentation. Mais si on regarde ça comme ça, bien manger, ça ne coûte pas nécessairement plus cher. C'est juste que nos choix vont être différents. Donc, à ce niveau-là, c'est vraiment là où Santé Canada veut nous amener dans les prochaines années. On l'a dit dans les tendances 2018, de cuisiner nous-mêmes à la maison. maison, de vraiment essayer d'éliminer tout ce qui est aliments transformés. Ça rentre dans les valeurs de 2018 et bien sûr, ça rentre aussi dans les valeurs un petit peu de Santé Canada. Donc, on précise qu'un adulte sur 4 présentement au Canada souffre d'hypertension qui a été causée par un trop grand apport en sel, en sodium et dans des nouvelles initiatives en matière de santé publique. Au niveau de l'alimentation, bien, le Canada va imposer aux aliments trop riches en sel, trop riches en sucre et trop riches en gras, de l'indiquer vraiment clairement à l'avant de leur emballage parce que, bon, c'est pas vraiment tout le monde qui regarde la valeur nutritive sur leur boîte de ce qu'ils achètent ou encore les ingrédients. Ouais. Oui, beaucoup d'informations. On le sait aussi, il y en a certains qui vont mettre, par exemple, apport en oméga 3 ou pour que ça ait l'air beaucoup plus santé, mais on va juste simplement regarder ça quand on va acheter la boîte. On la retournera pas pour voir vraiment c'est quoi le reste des ingrédients. On voit 100 gras trans dans un produit qui a jamais eu de gras trans. C'est ça, exactement. Et si on retourne la boîte, par exemple, et qu'on se porte vraiment à regarder le nombre d'aliments, mais s'il y en a plus que 15, déjà à la base, tu devrais commencer à te poser des petites questions. Et si tu ne comprends pas ce qui est écrit dans les ingrédients, il y a de fortes chances que tu t'apprêtes à acheter un aliment transformé. C'est ça qu'on veut dire. Donc, les fabricants, en fait, canadiens, ont jusqu'en 2022 pour finalement revoir les recettes, pour revoir aussi les logos qui parfois sont négatifs parce qu'on on tente justement de dire que c'est santé quand ce ne l'est pas vraiment. On voit des exemples aussi d'aliments qui ont obtenu quand même des bons résultats ou qui ont complètement raté leur cible. Selon l'analyse qui a été publiée un petit peu plus tôt la semaine dernière, la quantité de sodium en milligrammes est calculée pour 100 grammes d'aliments. Ça, ouais, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, dans la valeur nutritive, lorsque vous allez regarder votre boîte d'aliments, par exemple, souvent, ça va être marqué par 100 grammes ou par 250 millilitres ou peu importe. Et le nombre de sodium qui se retrouve à l'intérieur de ça, c'est le nombre de sodium par portion. Si ta boîte est de, je sais pas moi, 3 portions et tu décides de passer au travers de la boîte, mais c'est 3 fois ce qui est, qui est inscrit. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Donc, les quantités sont notées sur les tableaux des valeurs nutritives. C'est pas pour rien qu'elles sont là. Mais ça devrait être, je sais pas, tu dis que c'est par 100 grammes. Moi, il me semble que quand je vois par portion, c'est genre, bon, une barre de quelque chose, 8 biscuits de quelque chose. Ça devrait pas être uniformisé pour toujours être par 100 grammes et non pas par la portion de ces 8 biscuits-là. Ou les 8 portions. Ça dépend du poids. Dans le fond, les 8 biscuits pourraient être 100 grammes. Ouais. Ça se pourrait qu'il ait calculé ça comme ça. Ben oui, tout à fait, parce que si, par exemple, tu prends des biscuits de riz, on va dire ça comme ça, à la base, ça va être beaucoup plus léger qu'un biscuit, un biscuit aux pépites de chocolat. Ouais. Donc, ton 100 grammes, automatiquement, il va pas valoir la même chose des deux côtés. Tes petites galettes de riz, ça se peut que tu puisses en manger plus parce que ça pèse pas grand-chose pour 100 grammes. Tandis que tes biscuits aux pépites de chocolat, bien, probablement que si t'en manges juste un, t'as déjà atteint le 100 grammes. C'est ça, mais j'aime l'uniformisation parce que, tu sais, il y a des magasins qui font ça. Bon, ils vont montrer le prix par fraction ou par kilogramme. Comme ça, tu peux vraiment y aller avec le 0,0011 et comparer à 0,020, mettons. T'sais. C'est plus facile quand c'est uniformisé. Oui, en effet, t'as raison. On l'a dit, il y a certains qui avaient quand même réussi leur cible de pouvoir réduire la part en sodium dans les dernières années. Il y en a d'autres qui ont zéro réussi à faire ça. Mais dans ceux qui ont réussi, on a par exemple les fromages cottage, les fromages à pâte ferme, râpés, tu sais, tout ce qui est de type parmesan aussi. On a vraiment beaucoup réduit la part en sodium. Les miettes de bacon et bacon pré-cuit, bien, c'est un des aliments qui a quand même réussi à atteindre la cible, donc c'est bien. Mais ils sont passés de beaucoup, beaucoup, beaucoup trop à trop. C'est ça, exactement. Ouais. Le pesto, c'est la même chose. On est passé de 1094 mg à 630 mg. Donc, on a quand même réduit de beaucoup, mais on se rend compte que c'est quand même assez beaucoup. Et les plats congelés aussi qui sont destinés, attention, aux tout petits. Donc, les plats congelés pour bébés, en fait, on a vraiment réduit de beaucoup la part en sodium. C'est ce qu'on voulait. Dans ceux qu'on serait peut-être plus tentés d'acheter dans ce temps-là, c'est ceux qui ont malheureusement pas réussi à atteindre leurs objectifs. Parce qu'ils n'ont pas essayé. parce qu'ils ont probablement tout simplement pas essayé. On parle d'ailleurs des barres de céréales. Mm-hmm. On a passé de 275 mg à 245. Hey, hein? Ouais. Ouf, ça change tout. La mayonnaise. Hein? La mayonnaise, il y en a certaines qui disent qu'ils ont réussi. Ça va être marqué réduit en sel. Là. Ouais, vérifiez vraiment si c'est réduit en sel avant de l'acheter. Le thon en conserve. Mm-hmm. On le sait, le thon, c'est un aliment qui est dit pour être santé quand même. Bien, sachez qu'il y a vraiment beaucoup de sodium à l'intérieur des canettes de thon. Et même de ce côté-là, on ne l'a pas réduit, on l'a augmenté. Ah, oui. On est passé de 340 à 350. Je ne sais pas ce qui s'est passé du côté du thon en conserve, mais clairement, on s'est dit... La nouvelle recette, ouais. On y va avec ce qu'on veut. Donc, tu dis que le thon, on devrait l'acheter emballé dans un petit styromousse. Là, exactement. Genre, vous pouvez le faire vous-même. Mm. Et sinon, les sauces soya, ils étaient censés aussi réduire de façon considérable leur rapport en sodium, chose qui n'a pas nécessairement été réussie. En goûtant certaines marques de sauce soya, c'est comme à peine digestible. C'est ça. Moi, j'ai déjà de la difficulté avec la sauce soya, ouais. Tellement c'est salé. La VH, ouais. Là, non. Ouais. La Kikkoman, par contre. Si jamais vous avez une envie incroyable de consommer quelque chose de salé, peut-être que de manger quelque chose d'épicé pourrait en fait freiner votre envie de manger quelque chose de salé. Ouais. Oui, parce qu'il y a des produits agricoles qui sont issus de cultures ou encore de cueillettes et les épices, oui, existent sous de nombreuses formes. Vous allez le voir, il y a des herbes aromatiques, il y a des fruits qui sont quand même un peu épicés et on provient de différentes parties des plantes comme les écorces, les fleurs, les feuilles, les bulbes ou encore les graines. Et c'est quand même assez indispensable pour rendre un plat qui va être unique, on peut le dire comme ça. Ça peut remplacer aussi, à un certain moment, le sel, de mettre peut-être un petit peu plus d'épices. Les épices vont stimuler, en fait, les perceptions olfactives et gustatives. Donc, parfois, on va dire que quelque chose est très, très salé, mais il n'y a absolument aucun sel à l'intérieur. C'est seulement la combinaison d'épices qui va venir un petit peu embrouiller votre cerveau à ce niveau-là. Parce que si on regarde, par exemple, dans les composantes de la nourriture, il n'y en aura pas. Donc, c'est à l'origine des odeurs, c'est à l'origine des arômes, des saveurs dans toutes les cuisines. Et on a beaucoup de recettes du monde qui sont faites à base d'épices et parfois on va les utiliser en tant que conservateur, en tant qu'assaisonnement ou encore en tant que colorant. Donc les épices ont vécu quand même leur âge d'or pendant l'Antiquité et le Moyen-Âge. Le sel n'était pas trop là, on ne savait pas trop c'était quoi encore. Donc on a aussi utilisé les épices durant une bonne période, la médecine. On l'a vu souvent au niveau de la médecine dans le Moyen-Âge, au niveau de l'Antiquité aussi, ça a été bien utilisé. Les épices ont quand même de nombreux bienfaits la plupart du temps. La cannelle, le safran, tout ce qui est clou de girofle, tout ce qui est ail, fenouil, tout ça. Ça a quand même de bonnes choses au niveau de la santé. Ça a des bienfaits, on peut les utiliser, certains on peut les infuser, on peut les boire. Donc on aurait le pouvoir en fait de réduire notre envie de consommer du sel selon une étude qui a été réalisée en 2017 dans la revue médicale Hypertension. Pourquoi? En fait, c'est parce que les gens qui aiment les aliments épicés semblent manger moins de sel. Ils ont une tension artérielle qui va être beaucoup plus basse aussi. C'est ce qu'on a réussi à déceler. Et les aliments qui sont épicés peuvent augmenter la sensibilité au sel. Donc, du moment qu'on va se mettre à manger, par exemple, épicé... et là, quand je dis épicé, là, ça veut pas dire que tu manges du piment. Là, ça veut dire que tu manges avec une épice quelconque. Ça peut être de la coriandre. Ça peut être de l'ail. C'est un goût qui va être différent de celui du sel puis du poivre que tu mets habituellement lorsque tu cuisines. Eh bien, lorsqu'on a regardé tout ça, on s'est rendu compte que les gens qui cuisinaient souvent avec les épices avaient tendance à ressentir beaucoup plus facilement le sel et on n'appréciait pas ce goût-là. Donc, on réduit de cette façon-là la quantité de sel qu'on consomme personnellement. Et selon cette étude qui a été publiée dans le journal Hypertension, il y a les personnes qui apprécient les aliments épicés semblent manger beaucoup moins de sel. On avait une tension artérielle beaucoup plus basse. Ça pourrait réduire le risque de crise cardiaque et d'accidents vasculaires cérébraux, comme je le disais tout à l'heure. Et auparavant, il y a eu une étude qui avait révélé que des traces de capsaïcine, oui, donc dans la famille des alcaloïdes, C'est un composant actif du piment qui va donner justement au petit piment chili là, leur odeur piquante, qui va augmenter aussi la perception de la nourriture salée, sans nécessairement à ce que ce soit salé. C'est vraiment le goût du piment qui va venir jouer un petit peu sur votre cerveau, qui va faire comme « Oh, c'est salé! » Mais non, en fait, c'est épicé. Donc, les chercheurs ont voulu tester si ce type d'effet-là pourrait permettre de réduire la consommation de sel chez certaines personnes. Et on s'est rendu compte que oui, en fait, si on décide tout simplement de cuisiner avec un petit peu plus d'épices, on va se rendre compte qu'on sale moins nos aliments. Lorsqu'on va faire de la cuisine, on va être moins tenté à mettre du sel automatiquement. On va mettre justement certaines épices. Donc, l'étude a été recrutée, oui, auprès de 606 adultes qui étaient de type chinois parce qu'ils sont... De type chinois, oui. Mais parce qu'en fait, c'est eux qui sont vraiment les number one des épices. Ouais. On s'est rendu compte que c'est eux, lorsqu'ils cuisinent, qui utilisent quand même un bon nombre d'épices assez diversifiées et on détermine selon leurs préférences les saveurs salées et les saveurs épicées. Et les chercheurs ont ensuite justement lié les préférences à la pression artérielle. On s'est rendu compte que c'était une bonne chose, en fait, de pouvoir justement changer notre consommation de sel versus la consommation d'épices. Au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, c'est sûr et certain que, oui, on s'est dit que, bon, le Canada, on mange beaucoup trop de sel. Nos Canadiens ont peut-être des problèmes de santé artérielle à ce niveau-là. Mais au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, on s'est donné dans les prochaines années de pouvoir... promouvoir la consommation de fruits et légumes dans le monde pour justement faire une différence à ce niveau-là. Si on commence à manger plus de fruits et légumes sans nécessairement devoir les cuisiner avec du sel, bien on va se rendre vite compte que le goût est préférable. Donc, il y a jusqu'à 1,7 million de vies qui pourraient être épargnées chaque année si on faisait un changement au niveau de la consommation de fruits et légumes dans notre alimentation. Parce que, bon, c'est sûr et certain qu'il y en a certains qui mangent pas assez de fruits et légumes et il y en a certains qui le consomment avec beaucoup de sel, OK? Les patates, là, calme. Donc, la faible consommation de fruits et légumes, bien, ça figure parmi quand même les 10 principaux facteurs de risque sur la mortalité mondiale. Et là, on y ajoute justement depuis quelques années cet apport en sodium-là qui alarme quand même beaucoup de spécialistes au niveau de la santé. On se rend compte que ça amène beaucoup de gens à l'hôpital, faire une petite crise cardiaque. On se demande si l'alimentation de nos patients est bonne. On se rend compte que non. Alors à ce niveau-là, de faire un changement avec l'apport en consommation de fruits et légumes pourrait peut-être amener un niveau de changement à l'apport en sodium de chaque personne sur cette belle petite planète. Ici au Canada, bien, on tente justement de promouvoir encore plus les fruits et légumes, chose qui devrait arriver encore dans les prochains mois parce que c'est dans les tendances 2018 d'y aller local, d'y aller avec des fruits, des légumes. Eh bien, on pourrait peut-être voir une diminution de notre consommation au niveau du sodium. Eh bien, le sel des Canadiens. Le sel des Canadiens, pas celui qu'on est dans la rue, là. Faites attention. Non. Mais non. Faut pas le manger, celui-là. Okay? Mais les jeunes sont tout le temps sur leur sel. C'est ça. Ils sont là, puis ils traînent leur sel dans la rue, puis ils mettent ça dans sur l'asphalte. Pareil, oui. Pareil. Merci, Tania. Fait plaisir. Intéressant, pas mal, ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, j'allais dire que nos produits qu'on a trop salés. Oui. Hein, il va falloir qu'on les donne à quelqu'un parce qu'on les mangera pas nous-mêmes. C'est pas bon pour la santé. Il n'y a pas le choix, mais non, c'est ça. On va nourrir les loups. Oh. Hein? Mardi noir. Nourrir les loups à Assemblage de requis. We'll be right back. part avec Nourrir les loups. Assemblage requis au retour. Marc-Olivier Dumas et Sport et Philosophie. Assemblage requis. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. 89. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. C'est la deuxième heure d'Assemblage requis, presque, en ce mardi 6 février 2018, elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Est-ce que je t'ai pris par surprise? Non. En parlant? Non, pas du tout. Je sais pas, ta face a fait comme... Non. Non, OK. Tant mieux. Je suis en train de lire quelque chose. C'est que... Est-ce que tu veux nous en parler? Bien, certainement. En fait, on parle d'intelligence émotionnelle. Ah, c'est pour, bon. Pour aider à la recherche au niveau de l'intelligence émotionnelle. Hein? Eh bien, on a besoin de ça. Écoute, on est multifonctionnel dans ce show du matin-là. Les émotions à fleur de peau. Une émission à fleur de peau serait drôle aussi. Genre de bleu ouais, nuit, nouvelle génération. Oh mon génération. Dieu, hein, ça serait très drôle. Avant de recevoir Marc-Olivier Dumas et sa chronique Sport et Filoché, allons-y avec un petit bloc musical. Gracieuseté des palmarès, c'est fou. Ah oui, c'est le moment de rendre visite à nos extrêmement négligés palmarès. C'est fou, aujourd'hui, on va dire au revoir aux pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. Hein? Mm-hmm. C'est fun, ça? Faut bien, à un moment donné, faire notre deuil. Ben non. Exact. Voici les pièces, donc, qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. Que ça s'appelait Palmer Rest in Peace. Give me one more chance. Let me out of the cold. makes sense when you're older. Darling, let's get old. Février 2018. On a commencé tout ça avec Ciel noir et Si seul humain. Oui. Qui est resté là pendant 6 semaines. Ensuite, l'impératrice a rafraîchi sa page, puis ça finit par marcher. La pièce Erreur 404 qui a duré 6 semaines. Oh, elle le cherche, Mara Tremblay avec Le soleil qui est resté au palmarès pendant 7 semaines. Ensuite, la famille Huet a glissé en bas du lit, ses draps de satin. Satin est le nom de la pièce 7 semaines. Encore une fois, Hot Trash avec One More Chance qui est resté là pendant 5 semaines. Mm-hmm. King Gizzard and the Lizard Wizard a fini par renier sa famille, Loyalty, et la pièce avec 3 semaines. The Pack 80 et Thomas Hardy qui est resté au palmarès pendant 6 semaines. Slaughter Beach Dog s'est fait achever avec Acolyte. Et comme un peu nous tous, eh bien, Papa Groove avec All of Us est resté là pendant 5 semaines. Julie and the Wrong Guys a fini par finalement trouver quelqu'un. Hein? Ah ouais? Love and Leaving qui a duré 7 semaines. Et pour certains, vous avez peut-être 18 ans. Beliefs 1997 est resté là pendant 7 semaines. Oui. Et Weaves a composé le mauvais numéro, a essayé de faire l'extension numéro 53, mais ça a amené nulle part. Donc, Number 53 qui a duré 8 semaines. Voilà pour les pièces qui nous ont quittés depuis le 29 janvier au 4 février 2018. Et ce petit bloc-là nous a permis d'accueillir, oui, d'attendre juste à temps finalement, juste à temps, Marc-Olivier Dumas, que voici. Allô. Ton ha à la fin, c'était comme t'étais pas encore prêt pour rire finalement. Non, ben je riais de nouveau. C'est drôle. C'est la chronique sport et philosophie. Pour vrai? Ouais, je te jure. Chef, j'avais préparé quoi sur l'art. Sur l'art. Marc-Olivier Dumas et Sport et Filoché. Non, c'est pas une chronique sur l'art. Par contre, tu pourrais faire une chronique sur le lard. Comme, tu sais, l'affaire qui goûte le bacon que t'aurais mangé au Super Bowl en fin de semaine, mettons. Non, j'ai pas mangé de lard en fin de semaine, non. Mais c'est une chronique sur peut-être l'art de gagner une médaille olympique. Ah, oh. C'est beau, c'est beau. Ah, oui, c'est passé. Est-ce que t'as célébré quand même le Super Bowl? Oui, oui, oui. On était avec plusieurs amis et on a, avec joie, regardé la victoire des Eagles face aux Patriots. C'est ce que tu voulais? Oui, totalement. Bon. Je suis tanné de voir les Patriots. Quoi qu'on ait une très, très belle partie offensive, parce que les défenses avaient collé malade en fin de semaine. Ah ouais. Évidemment. Ils étaient tous du côté des Eagles. Oh, il n'y avait pas de défense du côté des Eagles non plus. Ils se sont levés une fois au quatrième quart, c'est tout. Là. Mais ils ont très bien joué au niveau de la défense. Là. Oui, oui, mais c'est ça que je dis. L'offensive était présente, mais la défensive a collé malade des deux côtés. Là. C'est Justin Timberlake qui est remplacé, c'est ça? Exactement. C'est ça. Pas un gros show, tu sais, ça sera pas un show mémorable de la mi-temps, on va se le dire. Toi, Tania, est-ce que t'as gagné ton Super Bowl? Non, j'ai perdu mon Super Bowl. Bon. Il y en a qui gagnent, moi. Il y en a qui perdent, Tania. Exactement. Je te vois aller, t'es comme le gars qui était pendant le show de Justin Timberlake en train de regarder son cell. C'est parce que t'as du contenu de sport sur ton cell. Oui, oui, oui. J'ai pas amené mon ordinateur aujourd'hui parce que ça aurait été traîner du stock pour rien. Ben, c'est ça. Un PC, c'est traîner ça pour rien. Oui, aujourd'hui, avant de parler des Jeux Olympiques qui débutent ce vendredi. Oh, qu'on a hâte. Et oui, je voulais vous parler de hockey parce que, bon, les Patriotes hockey, ils sont éliminés. Oh non! Et je m'en allais faire un gag de mauvais goût. Quoi? Je m'en ai crié le slogan de... C'est quoi? La petite bébite verte, là. Vas-y! Vas-y! Maman! C'est non, mais c'est l'occasion de retourner à mon bon vieux jeu de mots que j'aime tant, mais qui est un petit peu diffamatoire, que les Patriots sont pas très hot. Ben, en fait, ils ont été très hot toute la saison. Et depuis que la nouvelle est tombée sur le fait qu'ils ont dû déclarer forfait pour les premiers matchs de la saison, ça leur ennuie. Ça va plus rien. Ouais. Ils vont plus rien, nulle part. Leur seule victoire est venue au carnaval étudiant. Ouais. Depuis ce temps-là, ils perdent. Ils vont rien chercher. Et on dirait que cette équipe-là s'est juste écroulée, s'est abattue sur son sort. Au lieu de, tu sais, juste de dire, regarde, c'est pas grave. Ouais. On va aller chercher des matchs, on va gagner. Parce que, au final, Ottawa, c'était une équipe qui était battable. Carlton, c'était une équipe qui était battable. Tu sais, les différentes équipes qu'on a affrontées, peut-être McGill, c'est la seule équipe qui est peut-être normale d'avoir perdu, mais toutes les équipes étaient battables, et on dirait que les Patriots se sont seulement écroulés. Une défaite a commencé, là, on a comme commencé à paniquer, on y croyait moins. Puis ça joue beaucoup dans la tête, le sport. Ben ouais, clairement. Quand donc, tu fais pitié, t'as pitié de toi-même. Ben c'est ça, puis là, c'est une défaite de 4-0 contre Ottawa, un match qu'on aurait dû normalement gagner. Ouais. Et bon, Laurentian vient de dépasser les Patriots, et même si les Patriots remportaient le dernier match de la saison et que Laurentian perdait les deux autres, étant donné qu'ils ont dû déclarer forfait les matchs contre Laurentian, bien Laurentian a le bris d'égalité. Ouais. Donc c'est terminé pour les Patriots cette année. Est-ce que t'as fait le calcul, s'il n'y avait pas eu ce forfait-là, on serait rendu à quelle place? Je vais t'avouer, j'ai pas fait le calcul, mais on serait probablement troisième présent. Sur 8, au quatrième. Mais on peut pas vraiment faire ce calcul-là parce que ça serait différent. Les joueurs joueraient d'une façon différente. J'avoue. Il y aurait encore le couteau entre les dents. J'aurais. Là, on se retrouve dans une situation où il y en a certains qui peuvent trouver la situation injuste. Ils peuvent trouver que l'Ontario était trop sévère. Mais encore là. Les règles, c'est les règles. Si t'es pas pour suivre les règles, pourquoi t'as des règles, hein? Bon. C'est ça, les règles, ce sont les règles. Et même, je regardais les classements de l'année dernière, ils ont dû déclarer forfait pour certains matchs de la saison dernière. Bon, ça n'a pas eu d'effet rétroactivement, mais quand tu regardes le classement, les Patriots ne sont plus au même classement qu'ils étaient à la fin de la saison. Ouais. Fait que tu sais, c'est des petites différences comme ça, et c'est le genre de choses vraiment qui est difficile pour la morale, oui. Et bon, je dis pas que Marc Etienne n'a pas fait son travail, là. C'est sûr qu'il a essayé des pépés, mais pour lui aussi, ça a dû être difficile. T'sais, la confiance, tu bâtis une confiance tout au long de la saison et on vient de la couper comme ça. C'est un petit peu difficile. C'est sûr. Don't hate the player, hate the game. C'est quoi la phrase déjà? Tu peux pas blâmer le jeu est fait de même. Bon. Ouais, ben j'ai perdu le jeu à cause de toi. C'est ça. Le flip la table. Puis... Exactement. Ah. Et là, tous ceux qui nous ont écoutés ont perdu aussi en même temps. Ah, parce qu'ils ont pensé, au voilà, ils ont au pensé au jeu, donc tout le monde perd. Hey! Ouais. Je pense que c'est la première fois que je fais perdre du monde à la radio. À la radio, c'est malade. T'as pas fait ça en matière noire encore? Non, pas encore. Ah, Colin, ben trop tard. Ah. Ben, trop tard. T'as eu l'honneur. C'est ça. Ensuite? Oui, donc, comme je disais, vendredi. Vendredi. T'as dit ça vendredi? Vendredi. Dans quel contexte? Non, vendredi, c'est les Olympiques qui débutent. Ah oui. Ah, les autres sports, c'est fini, ça, là. Le soccer, tout ça, avec mon cellulaire, c'est pas toujours facile. Ah, pas petit chouette, hein. Fait que je viendrai, je ferai un petit wrap-up. Il n'y avait pas de volleyball en fin de semaine. Il y avait de la natation, des très très bons résultats. On a été chercher quelques médailles, médaille d'argent, médaille de bronze. Étant donné que je suis sur mon cellulaire, c'est tellement plate de blâmer son cellulaire. Hein? Mais ça va pas aussi vite qu'un ordinateur. Donc, hate the player, hate the cell. Exactement. Et je vais me garder un peu de temps pour les Olympiques aussi. Et je vais aller à mon cours parce que la semaine passée, il m'a attendu. Mais est-ce qu'il va m'attendre encore cette semaine? T'as attendu? Oui, je suis arrivé puis le cours n'a pas commencé encore. Mais c'était pas grâce à toi. Non, mais. OK. Parce que la semaine passée, il se prenait vraiment comme genre le professeur va m'attendre. Ah, je suis Marc-Olivier Dumont. Le professeur m'a attendu au final. Au final. C'est ça. Donc, pour les amateurs de Jeux Olympiques et ceux qui n'aiment pas les. Mettons ceux qui n'aiment pas le sport, mais qui écoutent les Olympiques juste pour les cérémonies d'ouverture. Oui. Débutons avec ça. C'est vendredi matin, 5h30. OK. Fait que nous, on va le diffuser en prime time à quelque part, en reprise. Radio-Canada va diffuser en reprise à 18h30 aussi. Ce que tu sens. Mais. Il va être présenté en direct aussi à 5h30. C'est tant mieux. Il faut les deux, ça, c'est clair. Oui, mais moi, je me lèverai pas à 5h30 pour regarder les cérémonies d'ouverture. Non, mais tu vas pouvoir l'enregistrer et l'écouter en après-midi. C'est ça la liberté, non? J'aime pas ça, les cérémonies d'ouverture. Ah non, c'est vraiment c'est redondant. Hein. Ah, c'est dole, c'est long, c'est. Ouais. OK, vous êtes capable de faire de la danse, merci. Ouais, puis les gens qui font saluer la caméra, puis on s'en fout. Le seul bout que j'ai peut-être aimé un peu d'une cérémonie d'ouverture, c'est en 2012 à Londres, quand ils ont amené Rowan Atkinson, qui est Mr. Bean. Mr. Bean! Ben oui! Ça, cette partie-là était très, très bonne, mais à part de ça, souvent, je trouve que c'est des cérémonies qui sont longues et parfois endormantes un petit peu. Tout à fait. Ça peut être impressionnant, mais 3 heures de temps, ça devient long et redondant. C'est dit. Donc, Olympique, les épreuves vont commencer réellement. Pour nous, c'est vendredi soir. Pour la Corée du Sud, c'est samedi matin. Ouais. Vendredi, en fait, il y a 14 heures de décalage. OK, quand même, ouais. Fait que pour nous, les premières épreuves devraient être autour de 10h, 9-10h vendredi soir. Est-ce qu'on les diffuse en direct toutes les compétitions? Radio-Canada devrait être en direct et RDS devrait être en direct tout au long des Olympiques. Ils offrent ensemble, les deux postes combinés, plus de 1600 heures de contenu. OK. C'est 300 heures environ sur Radio-Canada et 200 heures environ sur RDS. RDS, il y a des contrats avec le Canadien, donc tu sais, dans la journée, ils vont probablement laisser l'antenne juste à Radio-Canada. Ouais. Radio-Canada, de leur côté, vont pratiquement juste diffuser. Tu sais, c'est sûr, ils vont avoir le téléjournal, tout ça qui va rentrer. Mais, pas District 31. Mais tu sais, pour te donner une idée, il y a 168 heures dans une semaine. Ouais. Radio-Canada en présente 300 sur 2 semaines et 2 jours. Wow! Fait que tu sais, ça te donne une idée de que la programmation est pas mal toute sur. Les Olympiques, donc pour amateurs, ça vaut la peine. Et sinon, il y a toujours possibilité d'aller voir sur Internet. On peut trouver un petit peu n'importe quoi. Radio-Canada, habituellement, offre beaucoup de plateformes Internet. Tu peux regarder les épreuves que tu veux parce qu'il y en a beaucoup quand même. Puis c'est pas tout le monde qui aime le ski alpin parce que, tu sais, quand on parle de redondance, t'en as vu 3 descendre, t'es as toutes vues. Ouais. C'est comme un peu dans le temps, la Formule 1, la qualification, quand c'était un à la fois. Là. Mm-hmm. À un moment donné, ça devenait long. Ah, pas sûr. Elle aimait ça pareil. En fait, les 10 premiers, c'était long, puis après ça, c'était intéressant pour savoir c'est qui allait avoir la peau. Exact. C'est un peu la même chose en ski, OK? C'est l'intérêt du sport, en fait. Ouais. C'est quelqu'un qui fait du ski alpin depuis que t'es jeune, probablement que t'aimes ça regarder ça pareil. Oui, mais tu sais, les premiers skieurs, souvent, sont moins intéressants dû au fait qu'ils sont moins bons habituellement et donc ont moins de chances de faire le meilleur temps, donc il y a moins de compétition et c'est là que c'est peut-être un peu moins le fun. C'est quand t'arrives à la fin de l'épreuve, si les conditions changent pas, parce qu'en ski, ça peut être très, très changeant. Ouais. S'il se met à neiger, tu vas être dans les premiers skieurs à descendre parce que la poudreuse, c'est pas toujours évident. Mm-hmm. S'il fait très, très froid, peut-être que la piste peut geler davantage parce que la piste est déjà gelée, on va se le dire. Là. Ouais. Ils gèlent la piste volontairement avant la descente. Là. C'est des malades mentales qui font la descente, on va se le dire. Non, on va se le dire. Là. Je veux dire, je ferais pas ça. La piste est gelée à rabord puis c'est des pitchs de 20 degrés. Des plus, là, 20%. Là, ça... C'est extrême. Ça te prend des balls of steel. Il y a une couple de sports que ça prend ça. Oui, c'est ça. T'es aux Olympiques quand même. Là. Oui, puis c'est les meilleurs. Facile. Et parlant de ski, on a eu une très, très mauvaise nouvelle la semaine dernière. Non. C'est un des meilleurs espoirs canadiens. de médailles. Éric Gué, qui a dû déclarer forfait pour les Olympiques. Il s'est blessé en début de saison au dos. Et bon, sa blessure ne guérit pas aussi vite. Non. Donc, ne guérit pas aussi vite qu'il le souhaiterait. Et donc, se voit dans l'obligation de déclarer forfait. Et ce qui est triste aussi, c'est qu'Éric Gué, c'était ses derniers Jeux Olympiques. Ah non! Ouais. C'est un des meilleurs. C'est pas le meilleur skieur de tous les temps canadien. Pas de tous les temps au monde, mais le meilleur skieur canadien. Et ce gars-là a pratiquement tout remporté. Il a remporté un globe d'argent, globe de diamant, pardon, qui est le être champion du monde à la fin de la saison, avoir le plus de points. Il a remporté les Coupes du monde, les championnats du monde, donc les courses faites vraiment comme ça. Il en a gagné deux. Une en 2011 à Garmin-Partenkirchen, qui était la descente. Il a remporté le Super G à Saint-Maurice l'année dernière. Donc là, il veut se reposer pour participer aux championnats du monde l'année prochaine. Et tout ce qui lui manquait à son palmarès, en fait, c'est une médaille olympique. Il avait terminé quatrième à Turin, si je me trompe pas, ou à Vancouver. En tout cas, il y a eu des très, très bons résultats aux Olympiques, mais juste pas assez pour aller chercher une médaille. Et malheureusement, il se voit contraint de déclarer forfait. C'est un petit peu triste, considérant la carrière qu'Éric Gué a connue. Ah, faut pas regarder juste le dernier truc qu'il a fait. Faut regarder en général, il y a bien... Oui, il a connu une très, très belle carrière, mais c'est plate pour lui... qu'il soit si près du but et tout ce qui lui manque, c'est une médaille olympique parce que c'est un très très bon skieur et a fait des très très bons résultats. Si près et si loin en même temps. Sinon, espoir de médaille possible du côté du ski alpin. Chez les femmes, il n'y en a pas vraiment. Du côté des hommes, il y aurait Manuel Osborne-Paradis qui pourrait avoir une chance. Comptez pas trop là-dessus, mais Manuel Osborne-Paradis aurait une chance quand même légitime d'aller chercher une médaille. Mais bon, ça risque d'être difficile, là. C'est pas un des meilleurs skieurs dans le monde, mais avec une bonne course, qui sait, tout peut arriver. Toujours dans le ski, au niveau du ski cross, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le ski cross, j'en ai parlé brièvement au cours des différentes chroniques, mais c'est une course de ski à 4, 5 ou 6, là, dépendamment de l'événement, de l'épreuve, comme aux X Games, sont à 6. Aux Olympiques, souvent, ils vont être à 4. Mais des fois, ils sont à 6 aussi. Je pense que sa main, il était à 6. Et donc, ils sont 6 en même temps lancés sur une piste. Et c'est une course un peu comme le Red Bull Crash Ice, le Ice Cross Downhill. Ouais. C'est un peu dans le même genre, mais en ski. Donc, on ici, se garoche. Puis, ici, du côté féminin, il y a plusieurs espoirs de médailles. Georgia Simmerling, Kelsey Serwa, Brittany Fallon, India Charette. Ils sont tous dans le top 10 présentement du classement mondial. Donc, c'est tous des espoirs réels de remporter une médaille lors des prochains Jeux Olympiques. Bien entendu, la favorite, c'est une Suisse. Donc, tu sais, faut... quand je vous dis espoir de médaille, ça veut pas dire qu'ils vont absolument gagner. Là, faut vraiment faire attention. Là, c'est pas comme Michael Kingsbury que lui, s'il gagne pas, ça va être une déception pour tout le monde. Mais du côté canadien, ici, on aurait quelques chances. Du côté masculin, il y aurait Kevin Drury qui aurait un espoir de médaille, qui pourrait peut-être s'en tirer avec une médaille. Présentement 7e au classement mondial, donc pas trop loin. Mais encore là, tu sais, dans ce sport-là, souvent, c'est les meilleurs qui l'emportent épreuve après épreuve après épreuve. Donc, tu sais, c'est un espoir de médaille, oui. Est-ce qu'il va remporter une médaille? Ça serait le fun. Ouais. Ça serait le fun, tu sais. Au niveau du ski acrobatique, bien entendu, très gros espoir de médaille, c'est Michael Kingsbury. Bon, il n'y a rien à dire. Il a remporté 6 des 7 courses auxquelles il a participé. Il a terminé sur le podium à chaque fois. Donc, je vois mal comment il pourrait ne pas remporter la Coupe du Monde. Chose, du côté féminin, les sœurs Dufour-Lapointe encore ont une saison un petit peu plus difficile. C'était pas deux tiers, eux autres. La troisième, il n'y en a pas une qui n'a pas fait les... Il y en a une qui ne s'est pas classée. Oui, ben c'est ça, les sœurs ont une saison plus difficile, là. C'est pas comme lors de la saison 2014, c'est à Sochi, où ils avaient un peu impressionné tout le monde avec des victoires, mais là, c'est peut-être un petit peu moins, ils sont un peu moins forts cette année, ils ont plus de compétiteurs, mais tu sais, aux Olympiques, tout peut arriver, là. C'est comme Alexandre Bilodeau quand il l'a remporté en 2014. On le savait qu'il n'était plus nécessairement là, qu'il n'avait pas nécessairement une très très bonne saison, mais on pouvait pas le compter pour battu, et comme de fait, il a très très bien performé. Snowboard Cross, on aurait Marietta Odin, qui est présentement sixième au classement mondial, pour avoir une chance. Si elle réussit à se classer pour la finale, C'est sûr que rendu là, tout peut arriver. On peut toujours aller chercher une médaille de bronze, peut-être même une médaille d'or si certaines des favorites sortent de la course. On sait jamais, là. C'est des courses à quatre, donc il y a tout le temps un petit peu de contact, un petit peu de poussée, quelqu'un tombe, ça peut laisser la place. Donc, on ne sait jamais. Bien entendu, sport de médaille, qui parle Canada parle curling, autant du côté masculin que féminin. C'est deux très, très gros espoirs de médaille. Les deux équipes, on s'attend rien moins qu'une médaille d'or habituellement dans ces épreuves. Quoique, c'est arrivé une seule fois qu'autant du côté masculin que féminin, on a remporté l'or. Mais ce serait très, très surprenant qu'une des deux équipes parte sans médaille. Ça serait très, très surprenant. Au niveau curling, c'est le Canada qui est la puissance mondiale. Mmh. Donc, ça prendrait vraiment toute une tournure de situation pour que le Canada rate le podium à ce niveau-là. Sinon, bien entendu, hockey féminin. Les filles sont dans les favorites avec les Américaines. C'est souvent première, deuxième. Est-ce qu'ils peuvent garder leur titre? C'est ça la question. Les Canadiens ont remporté toutes les médailles d'or olympiques depuis Salt Lake City. Après ça, la question, c'est est-ce qu'on peut faire un peu comme Sochi et sortir un chapeau, un lapin de notre chapeau? Oui, un chapeau du lapin. Ben oui, c'est classique. Donc, est-ce qu'on peut surprendre un peu les Américaines? Parce que les Américaines étaient à quoi? Une minute à peu près de remporter en 2014 la médaille d'or avant que les filles égalisent. Ouais. Et bon, une fin totalement dramatique. Ça valait la peine de regarder ce match-là. Donc, bien entendu, un bel espoir de médaille. Du côté masculin, c'est plus dur à dire. C'est un tournoi qui va être beaucoup plus volatile, un tournoi qui est beaucoup plus dur à prédire, excepté que ça va être la Russie qui va gagner la médaille d'or. Ça, il n'y a personne qui s'ostine sur ce point-là. Mais qui va terminer deuxième, qui va terminer troisième, c'est très difficile à dire. L'équipe canadienne a gagné la Coupe Spengler. OK. Ça dit ce que ça dit. Je veux dire, la Coupe Spengler, c'est pas un très, très gros tournoi en tant que tel. Donc, est-ce qu'ils ont une chance réelle? Probablement. D'après moi, ils vont terminer sur le podium. Mais c'est la Russie qui devrait remporter la médaille d'or haut la main à ce niveau-là. Et bon, ça prendrait quasiment un 1980 numéro 2 pour que ça. Les Russes ne gagnent pas cette médaille d'or. Sinon, bobsleigh. Autant Bob à 4, Bob à 2, on a plusieurs espoirs de médailles. On a des Bob qui sont très bien classés présentement au niveau du championnat du monde. Donc, c'est des très bons espoirs. Pour une fois, on a un espoir aussi en luge. Habituellement, la luge, on n'est pas très, très fort. On est plus fort en skeleton et en bobsleigh. On est des losers. Et voilà, on a... Au moins, j'ai pas fait de jeu de mots avec Bob avec cheveux. Quand tu dis Bob à 2, Bob à 4. Au moins. Bon, ben, y a deux Bob avec cheveux qui sont si à moi, c'est ça que je veux dire. C'est ça. Donc, ici, on a plusieurs espoirs aussi. Patinage de vitesse, courte piste. Charles Hamelin, Samuel Girard, Marianne Saint-Gelais, Valérie Maltais, tous des espoirs de médailles. On a beaucoup d'espoirs de médailles à ce niveau-là. Va falloir quand même surveiller les Coréens, parce que, bon, c'était de très bons patineurs, sont à domicile, vont vouloir peut-être épater un petit peu plus la galerie que d'habitude. C'est normal, là, c'est comme un peu le Canada quand les Olympiques ont eu lieu à Vancouver. On dirait que tous les athlètes ont comme été capables de donner une petite coche de plus. Là, on voulait gagner chez soi. Et c'est normal en même temps. La Russie s'est fait pareil à Sochi. Et bon, la Corée du Sud maintenant à Pyeongchang. Ça reste à voir, mais d'après moi, Charles Hamelin, Samuel Girard, tout ça, Marianne Saint-Gelais, Valérie Maltais, tous des bons espoirs de médailles. Le relais aussi, c'est un très bon espoir. Au niveau de la longue piste, l'équipe est en train de se renouveler. On n'a plus les patineurs qu'on avait avant. On avait vraiment des bons patineurs par le passé. Là, on a perdu un petit peu. L'équipe est beaucoup plus jeune. Donc, peut-être avec le temps, mais présentement, on n'a pas de réels espoirs. Peut-être sur la poursuite, peut-être sur quelques épreuves de longue distance, mais au niveau du patinage longue vitesse, les chances réelles de remporter une médaille sont absentes. Finalement, au niveau du patinage artistique, Patrick Chan, qui est un patineur qui roule sa bosse depuis plusieurs années, un très très bon espoir. On a des couples aussi qui ont des bons espoirs de médailles, qui ont des très bonnes chances de remporter des médailles à ces Olympiques. Donc, surprenez-vous pas, le Canada devrait sortir des Olympiques avec, je dirais, peut-être 7 ou 8 médailles d'or. Okay. Et on pourrait peut-être aller chercher une vingtaine de médailles. Entre 20 et 30 médailles, ça serait pas très surprenant du côté canadien. Ça peut être un petit peu plus bas que ça, mais d'après moi, on sera pas en bas du 16 médailles. Les prédictions sont faites. Ça veut dire que la prochaine fois, dans 3 semaines après les Olympiques, on va pouvoir parler de... On va pouvoir parler. Donc, mettons, si je fais une prédiction exacte, je vais avec 7 médailles d'or et 21 médailles au total. On garde l'extrait. Regardez l'extrait, tu me le représenteras quand le Canada aura gagné seulement 3 médailles d'or et 12 médailles au total. Oups. Je me suis peut-être trompé. Mais bon, le Canada est toujours une puissance aux Olympiques d'hiver. Et bon, je vais peut-être un petit peu conservateur. Je sais que les Canadiens sont capables d'aller chercher beaucoup plus de médailles. Mm-hmm. Et on a beaucoup de Québécois aussi sur l'équipe qui peut très, très bien performer. Donc, ça reste à voir. Ça va être deux semaines très, très intéressantes. Deux semaines où vous ne me verrez pas beaucoup la face. Tu vas venir à l'émission quand même. Oui, okay. Mais tu sais, je vais être très déconcentré parce que je risque d'avoir les Olympiques directement sur mon écran. Et ça se peut que je fasse le play-by-play commentator. Ah oui, ce serait hot, ça. J'aimerais ça. Ouais, tu sais, mettons que c'est la descente. Non, ce ne sera pas la descente de Manuel Osborne parce que les hommes, la descente, c'est ce dimanche. Okay. Ils commencent les pratiques cette semaine. Là, c'est jeudi que la pratique. Jeudi ou mercredi que les pratiques commencent. Jeudi pratique, samedi, vendredi pratique et samedi pratique. Eux autres commencent avant les Olympiques. Hey! Hein? Pour être prêt dimanche parce que bon, c'est une des grosses épreuves. Ouais, c'est dimanche, c'est le prime time un petit peu. Ouais. On sait qu'on peut avoir beaucoup de spectateurs. Bon, ça va avoir lieu dans la nuit, par exemple, pour nous, parce que bon, l'épreuve a lieu en après-midi là-bas. Probablement que les oiseaux de nuit et ceux qui se couchent tard un petit peu comme toi pourraient voir le ski alpin. Ah oui, clairement. T'as pas tard là-dessus? Ben, le ski alpin, tu sais, dimanche, ça veut dire pour nous, c'est dans la nuit de samedi à dimanche. Mm-hmm. Samedi vers 9h, si tu arrives devant ton écran, tu risques de pouvoir voir le début. Et bon, ça devrait aller jusqu'à minuit. Ça peut-être commencer un petit peu plus tard, mais vers 1h ou 2h du matin, ça devrait être terminé. Mm-hmm. Toutes sortes de sports, tout plein de ski, ski acrobatique, ski alpin. Mais oui, il n'y a pas de ski beau, par contre. Ben, il y a du ski boss, il y a du... ski beau. Le saut à ski, mais tu sais, saut à ski, ça vaut pas la peine d'en parler. On est sûr de pas gagner. Le ski beau, je veux même pas en parler de ta blague parce que t'es vraiment pas bonne. Merci. Et c'est pour ça que je faisais exprès de la passer sous le silence. Mais là, je vais te laisser croire que... Tu sais, je vais te faire comprendre que j'avais compris quand même ta mauvaise blague. Et donc, je suis encore en retard mon cours. Oui, je vois ça. Il va encore m'attendre. Je le sens. Merci, Marc-Olivier. Ça me fait plaisir. On te retrouve la semaine prochaine, toujours les mardis matins à partir de 8h ou quand t'arrives. Et on t'écoute à Patriote en action les jeudis matins. Pas ce jeudi. Non, encore. Ben, en fait, j'ai un nouvel emploi. Oh! Parc national. Hey, je rentre à midi le jeudi. Dans une banque. Ben oui. C'est ça. Tu travailles au niveau du pays, nationalement. Voilà. Patriote en action. Banque nationale. Ouais, une banque nationale. C'est les mots communs, là. Oui, c'est pas ça. La banque nationale, mais une banque nationale. C'est ça, banque nationale. Fait que ça veut dire que tu vas changer de case horaire. Je vais faire que je regarde ça. Je vais faire une autre pub. Hey! Il vient juste de la réenregistrer. Elle joue même pas encore. C'est ça le pire. Bref, Patriote en action, heure à déterminer. Allez voir le cifou.ca et écoutez les pubs qu'il va enregistrer un jour avec la nouvelle heure. Hein? Faut surtout que je regarde quand je le mets. Et ben, ça va être la nuit. Ça va être heure de... On va la nuit, je pense. Ah, merci encore, Marc-Olivier. À la semaine prochaine. Alors, on prend une pause au retour. C'est au tour de Dominique Nodemavungu et sa chronique Voix d'Afrique. Restez là. Assemblage requis, accompagné de Mathieu Plante. Et de Tania Baudin. Oh oui, mais on a du nouveau monde en studio. Et as-tu remarqué qu'on porte tous des bandes aujourd'hui, des lignes? Ben oui, toi. Dominique est en bande horizontale bleu et rouge. Toi, t'es en bande noir et blanc verticale. Moi, horizontale. Notre public en studio porte du camouflage, fait qu'on le voit pas, ils se font dans le mur. Mm-hmm. Ils se font dans le mur. C'est comme c'est ça. C'est un camouflage, ça sert à ça. Bref, Dominique Nodemavungu, que voici avec sa chronique Voix d'Afrique. Nicknote Mavungu, bonjour à toi. Bonjour Mathieu, bonjour Tania. Bon matin. Toujours très heureux de te voir chaque semaine, ça va bien? Oui, ça va bien et vous? Oui, absolument. Donc Voix d'Afrique, c'est la chronique où on parle de tout ce qui se passe sur le continent africain. D'habitude, on parle... des fois, on parle de choses vraiment assez particulières et genre que je pourrais pas prédire du tout, mais des fois, on parle aussi de sport, de musique, de dessins animés, des fois, je sais pas. Ça arrive, de bandes dessinées. Ben, de quoi est-ce qu'on parle cette semaine? Bon, cette semaine, on va déjà parler un peu des sports, justement. Mm-hmm. Et parler un peu de culture, un peu de santé, un peu d'agroalimentaire. Colin, c'est rempli comme toujours. Avec quoi est-ce qu'on commence? Ok, on va commencer déjà avec le sport. Ouais. Alors, le sport parce qu'en ce moment, on était dans la période des transferts. C'est-à-dire que c'est une période pendant laquelle les clubs de foot ont l'opportunité d'acheter de nouveau des joueurs. Mm-hmm. C'est-à-dire des nouveaux joueurs pendant, on appelle ça le mercato hivernal. Et ils peuvent acheter des nouveaux joueurs pour se renforcer et tout, pour se préparer déjà pour les compétitions, pour la suite des championnats et tout, parce qu'il y a déjà la Ligue des Champions, la Ligue Europa et d'autres compétitions aussi au niveau national que les équipes auront à faire face. Donc pour ça, elles se renforcent aussi. Elles ont l'opportunité de se renforcer. Et parce que généralement, des fois, il faut savoir qu'au niveau du foot, il y a vraiment beaucoup de matchs, en fait, surtout en deuxième partie de saison. Donc les matchs s'enchaînent et on ne peut pas toujours faire jouer comme les mêmes joueurs. Mm-hmm. Sinon, ils risquent vraiment d'être brûlés et puis de s'épuiser carrément et puis ne plus être aussi performants. Donc voilà pourquoi on donne l'opportunité à certains clubs de pouvoir recruter pour permettre à faire tourner leur effectif, permettre à leurs joueurs, leurs cadres peut-être de souffler aussi un peu. Mm-hmm. Et en ce moment, au niveau des transferts, il y a un Africain, je parlais de lui souvent, qui s'appelle Aubameyang, Pierre-Emerick, qui était un ancien joueur du Borussia Dortmund. Ça, c'était en Allemagne. Et là, il a été transféré pour 63 millions d'euros. Ouh. Une petite paye. Ouais, tu sais, hein? Moi, je prends. Pour le club d'Arsenal en Angleterre. Donc là, il a déjà marqué aussi pour sa première titularisation. Lors de ce week-end-là et tout, pour une victoire 5-1 contre Everton. Et moi, je pense que c'est vraiment un bon joueur. Et puis, je pense qu'on attend de voir le reste des matchs contre des clubs plus importants et tout, voir s'il va réussir à performer. Mais en tout cas, c'est une bonne recrue pour Arsenal. Et puis, déjà au niveau marketing aussi, ça peut être intéressant pour le club parce qu'il y aura des maillots vendus, ouais, aussi. C'est sûr, ben oui. Par rapport à lui et puis parce la pression est forte là, parce que les gens achètent des chandails, des produits, mm-hmm, comme ça. Il faut que tu joues vraiment bien, sinon les gens ont honte puis ils porteront pas ton chandail. Dépend. Tu penses? Ouais. Ouais. En tout cas, mais je pense un peu quand même qu'il y a quand même une certaine pression autour de ça. Et mais je pense qu'il ressent pas la pression. Il ressent pas la pression parce que là, premier match, déjà il marque. Je pense que ça met quand même une confiance à un joueur. Et on espère que sur les prochains matchs, il va enchaîner, en fait. Et toujours un mot de foot. En parlant des matchs de week-end qui a eu lieu en première ligue, il y a eu un autre Africain aussi qui a encore performé. C'est Mohamed Salah. Je vais parler oui, de... oui, mon préféré, Mohamed Salah. Ouais. Dans le but, je me souviens de sa gag. Donc ouais, il a encore marqué un doublé cette fin de semaine contre un match contre Tottenham. Et puis ça a été vraiment un très bon match. Et franchement, à chaque match que je regarde, tu vois que c'est vraiment un très bon joueur. Et puis il a vraiment progressé. Donc l'Égypte sera aussi en Coupe du Monde et tout. Donc mm-hmm, on va voir ce que ça va donner. Et puis faut rappeler quand même que c'est un peu grâce à lui que son équipe se qualifie pour la Coupe du Monde, okay, aussi. Parce que c'est vraiment en tout cas un très bon joueur en ce moment. Ça veut dire qu'il a mis cela. Oui, il l'a mis. C'est confirmé. Il l'a. Mais lui, il va pas se laisser échanger. Là. Je veux dire, son équipe va le protéger, il va vouloir le garder. Il est arrivé juste cette année. Et ça fait même pas. Il est dans sa première année à Liverpool. Et là, il performe vraiment. Mais certains clubs ont déjà l'œil sur lui. D'autres clubs. Ouais, c'est sûr. Hein. Ailleurs. Ils sont tous jaloux. Donc, on verra s'il va décider en fin de saison. Mais je pense que pour lui, ce serait. Peut-être intéressant de rester encore un peu, ah oui, en tout cas selon moi, et de pouvoir confirmer encore une année ou bien une demi-année avant de pouvoir partir, déjà pour se garantir comme une place de titulaire dans le club où il va aller. Parce que généralement, ce qui arrive, c'est que il faut quand même que tu peux avoir une cote, et quand tu pars avec une cote élevée, après 2-3 matchs, le foot ça va tellement vite, et maintenant c'est plus tant une question d'argent, il y a aussi le marketing derrière tout, ouais, ça vraiment. Et tout, donc on peut acheter un joueur vraiment cher cette saison, et après 6 mois quoi, s'il performe pas, on achète un nouveau aussi, ouais. Donc c'est vraiment pas un problème pour les clubs en ce moment. Et puis donc pour un joueur, ça reste quand même des êtres humains. Moi, je pense que malgré le prix et tout, ça doit être, pour des personnes qui aiment avant tout quand même le sport, ça doit être un peu quand même difficile à encaisser d'avoir été titulaire ou bien d'avoir été un grand joueur dans un club précédent. Et là, bon, tu as été annoncé comme un très bon joueur de l'équipe. Et comme 6 mois après, tu te retrouves comme au placard et t'es comme... Là, tu te cherches presque un nouveau club parce que là, il y a un nouveau joueur qui vient d'arriver, qui a plus la cote que toi, donc ça marche un peu comme ça. Et là, il faut maintenant que toi, tu trouves un nouveau club et tout. Donc c'est comme ça, ça va vraiment vite le foot et tout. Donc pour Momo Salah, en tout cas, c'est lui qui prendra sa décision en fin de saison. Mais on espère qu'il va faire le bon choix. Ouais, c'est ça. On va en reparler, c'est ça. On en reparlera. Donc aussi, on va parler aussi du championnat d'Afrique des Nations. Ça, c'était... comme un championnat qui mettait en scène que les joueurs locaux. J'en avais parlé tantôt et là, il a donné son dénouement la semaine dernière et c'est le Maroc qui a finalement remporté ce championnat d'Afrique des Nations là. Et avec leur meilleur joueur qui s'appelle Ayoub El Akabi, qui a été nommé meilleur buteur et meilleur joueur de la compétition avec comme 9 buts en 6 games. Wow. C'est vraiment un très bon score. Moi, j'ai pas vraiment regardé les matchs de ce joueur-là, mais en tout cas, c'est quand même impressionnant. Et c'est bien parce que c'est un joueur aussi local. Donc, ça permet aussi à d'autres joueurs aussi locaux de se faire voir, comme je disais. Et puis, peut-être ça peut lui donner une chance aussi d'aller en Coupe du Monde si l'entraîneur l'a remarqué. Peut-être il pourra aussi avoir sa chance de pouvoir aller en Coupe du Monde et d'avoir une opportunité de briller aussi lors des grands rendez-vous aussi, avoir une visibilité aussi plus mondiale. Et ça c'est des choses qui peuvent, des détails qui peuvent lancer une carrière en tout cas. Donc on lui souhaite aussi une bonne continuité à lui. Et nous on va passer à un autre sujet. Oh, oh. Donc on va parler un peu de culture. Mm-hmm. Oh. Donc, bon, au Congo Brazzaville, dernièrement, ils ont eu un projet d'un nouveau musée près d'un ancien port de Luango. En fait, c'était un port d'esclaves. C'est-à-dire, ouais, okay. C'était, un endroit où on chargeait les esclaves, mettons dans les bateaux pour les envoyer travailler, mettons dans les Europes ou bien mm-hmm. les Amériques et tout. Et là, du coup, l'État congolais a un projet de pouvoir bâtir un musée sur ce site-là. Et permettre aux personnes de pouvoir se remémorer ça et tout. Et puis faire ça va être vraiment sur l'historique de l'esclavage. C'est ça. Wow. Donc, pouvoir leur permettre d'avoir déjà des informations là-dessus pour ceux qui savaient pas. Et même moi, franchement, pour être honnête, je l'ai découvert vraiment que hier qu'il y avait une place. Tu peux pas tout savoir, tu sais. Il y avait pour d'esclaves là. Et je suis vraiment impatient de voir... si le projet du musée va vraiment aller jusqu'à son terme. Mmh. Et si c'est le cas, en tout cas, je pense que ça sera une bonne chose pour les populations déjà et puis pour la culture en général. Donc, parce qu'il y aura des retombées aussi économiques aussi. Donc déjà, ça pourra créer des emplois temporaires au niveau de la construction, tout ça. Et sans compter ceux qui vont travailler permanemment dans le musée et tout. Donc ça peut aussi, au niveau, déjà, ça a un impact culturel parce que ça permet de renseigner aussi les personnes et tout. Et puis ça va rapporter un revenu aussi au niveau touristique et tout. Donc moi, je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi. Et c'est un peu à l'image comme aussi du Sénégal, parce qu'il y a une île au Sénégal qu'on appelle île de Gorée aussi. Et c'était vraiment une île sur laquelle les esclaves étaient eux aussi comme entassés et mis dans les bateaux aussi en partance pour l'Occident ou bien d'autres pays. Mm-hmm. Et je pense que ce serait les États africains en tout cas doivent peut-être plus aussi miser sur leur propre culture aussi. Ça peut être intéressant aussi pour les jeunes de là-bas de pouvoir comme avoir une idée de... Être conscient de ce qui s'est passé dans leur pays respectif et tout. Et puis, ça peut vraiment les sensibiliser aussi. Et puis, comme ça peut être intéressant et pouvoir être une source de revenus peut-être future et tout. C'est clairement un lieu touristique. Hein? Mm-hmm. C'est un lieu touristique. Après, on peut se décliner peut-être dans des produits dérivés ou bien comme... Et c'est parfait, tu fais de l'argent sur ce qui s'est passé dans le passé où tu n'avais pas d'argent pour faire ce que tu faisais parce que tu étais esclave. C'est comme un genre de revirement de situation qui a vraiment Donc c'est ça, j'espère que le projet va, va pouvoir aboutir et puis pouvoir être, continuer d'être bien mené. Donc je vais essayer de suivre ça de près et voir ce que ça pourra donner, en tout cas, parce que moi je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour les populations et puis pour le pays en général, en fait. Donc ça, c'est un petit mot de culture. Donc, en parlant aussi de culture, il y a aussi un album de Migos qui s'appelle aussi Culture. De Migos? Migos, c'est comme un groupe de rap américain que j'aime bien. Et donc, du coup, aussi leur album s'appelle Culture aussi. Donc, ils ont fait le 1 et là, récemment, ils ont fait sortir le 2 qui cartonne pas mal aussi du côté des States. Donc, on va passer à la santé. Santé. Oui, à la santé. Donc là, on va au Rwanda où les soins oculaires sont devenus gratuits, en fait, là-bas. Oh. Et donc l'État a comme mis en place un programme où ils envoient comme des infirmiers dans le Rwanda profond, à l'intérieur de tout le pays, pour comme faire des diagnostics, ausculter les patients là-bas au niveau de vraiment pour détecter s'ils ont des déficiences visuelles et tout au niveau oculaire, parce que selon le gouvernement, ça peut être quelque chose qui renforce comme un cycle de pauvreté, en fait, parce que là-bas les personnes et principalement les femmes vivent beaucoup de comme l'agriculture et tout. Mettons, quand je dis l'agriculture, c'était principalement le café, mettons, pour le triage et tout, et cette activité, elle est essentielle. Et elle est comme généralement réalisée par des femmes. Mais on avait remarqué que dans ce pays, aux alentours de 45 ans, elles commençaient à leur acuité visuelle baissait. Et donc elles pouvaient moins comme faire mieux, bien faire leur travail. Donc ça faisait qu'elles étaient obligées de quitter. Elles décrochaient assez rapidement. Et ça fait un salaire de moins à la maison. Et donc très souvent, ça obligeait les familles à peut-être déscolariser les enfants et tout. Donc ça... L'État pense que ça renforce un cycle de pauvreté, parce qu'à chaque fois, ça sera la même. Si elle a un problème de vue, elle ne peut plus travailler, elle n'a plus de revenus. Donc ça tourne en rond. Donc après un moment, ils n'en voyaient plus le bout. Et ils ont décidé de lancer ce programme-là. Et donc, il y a des médecins qui se déplacent au travers du pays et tout, et qui vont vers des patients et tout, vers des personnes qu'ils vont rencontrer, pour essayer de comme leur effectuer des diagnostics et puis leur référer vers des cliniques et tout. Par rapport à ça, et puis je pense que moi personnellement, je trouve que c'est vraiment une bonne initiative et de s'investir un peu dans la santé et tout, parce que c'est quand même grâce à ces personnes-là que ça tourne, l'économie quand même du pays tourne et tout, et puis j'espère que ça va continuer à bien se passer, en tout cas. Ben oui, et si ça marche pas, ben ils se mettront à vendre des carottes, c'est bon pour les yeux, hein? Ou du café. Quelle bonne idée, Mathieu! Je sais bien, je suis rempli de ressources. En tout cas, j'aime ça, son expression, en tout cas, c'est parfait. Bon, donc, ensuite, toujours au niveau de là, on a parlé un peu de santé, on va parler un peu d'agroalimentaire, en fait, et ça, c'est dans un autre pays qui s'appelle le Gabon, et là, ils ont décidé de développer l'or rouge pour contrer les variations de l'or noir. Donc, bon. Donc l'or rouge ici, c'est l'huile de palme, en fait. Ok, oui. La noix de palme et tout. Pas nécessairement bon pour la santé. C'est ça, mais en tout cas la culture dans certaines régions est vraiment très développée de ça. Et puis je pense que ça peut être... Donc l'État a compris que ça pourrait être un bon moyen de se diversifier, au lieu de tout le temps compter sur le pétrole, en fait, qui varie beaucoup. Ouais. Et donc du coup affecte sévèrement l'économie, parce que il y a beaucoup de pays d'Afrique centrale qui dépendent principalement des revenus du pétrole. Et je sais que c'est vraiment de très gros revenus, mais il serait peut-être judicieux de peut-être se diversifier, parce qu'on ne sait jamais. Parce que là, déjà avec le défi sur les énergies renouvelables et tout, et puis il y a beaucoup d'énergies qui tendent à être mises en place, des nouvelles et puis des énergies vertes et tout. Donc je pense que le pétrole ne va pas toujours comme rester l'énergie sur laquelle on va falloir se baser. Donc si les États ne prennent pas leurs décisions rapidement, ils risquent de se retrouver comme mal pris, en tout cas à mon sens. Et puis ils vont se retrouver avec un État et plus d'argent et pas assez diversifié, en fait. Donc je remarque faut se prendre à l'avance. Si, donc mieux vaut se prendre à l'avance pour toutes les personnes, en fait. Donc j'espère que ça pourra être une bonne solution et que ça pourra être aussi adopté par plusieurs pays, en fait. Et pas seulement le Gabon, mais que d'autres pays aussi puissent chercher à se diversifier. Ça leur permettra de pouvoir couvrir les risques et puis ne pas se laisser surprendre et tout. Donc, parce que l'agriculture, l'Afrique est pleine de ressources à ce niveau-là et pas seulement au niveau de l'huile de palme. Donc, chaque pays, je pense, a sa spécialité sur laquelle il pourrait vraiment peut-être miser, se diversifier aussi. Au cas où il arriverait de quoi, au moins, il a quand même utilisé ce secteur-là. Il est quand même assez développé et il pourra être une source de revenus aussi pour son pays plutôt que de miser... tout mettons sur le pétrole et tout, ouais. Mais c'est quand même des super revenus que ça rapporte aux États, et ce encore quand même pendant encore de longues années et tout. Mais comme les temps tendent à changer très vite, moi je pense que il est mieux de se baquer déjà à l'avance et tout pour éviter comme les mauvaises surprises et tout, ouais, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ouais. c'est vraiment ça. Et donc ensuite, on va parler un peu de musique, oh. Parler un peu de ce que j'aurais écouté un peu ce week-end. Donc généralement, là, en ce moment, c'est beaucoup, comme je parlais, l'album de Migos, ça, c'est un peu de rap, du rap américain que j'écoute beaucoup, en fait. Là, j'ai écouté un peu l'album Culture 2, j'ai trouvé quand même que l'album, il était quand même intéressant et tout. Et ils ont vraiment pris une grosse dimension et tout au cours de ces dernières années. Ils sont vraiment sur tous les featuring, dans toutes les pubs, en tout cas, c'est devenu un grand groupe. Ouais. Ils sont partis de loin, tu sais, surtout depuis l'époque où je les avais connus. Genre, quand j'ai connu, ils faisaient comme une chanson qui s'appelait... Leur premier titre, ça s'appelait Versace. Okay. C'est leur première chanson qui les a comme permis de décoller avec un remix de Drake, en fait. C'est le remix de Drake qui a fait que... Started from the bottom, now we're here. C'est le remix de Drake qui a fait que ils se sont un peu, ça les a un peu lancés au niveau de leur carrière. Mais là, je peux dire qu'ils s'en sortent vraiment, vraiment très bien, en fait, Migos. Et ensuite, au niveau toujours de la musique, au niveau plus africain, plus local, il y a eu quelques concerts aussi qui se sont déroulés dernièrement. Une tournée de Kiff No Beat qui se poursuit au Cameroun, et une tournée de Davido, qui est un chanteur nigérien et puis qui continue de poursuivre lui aussi sa tournée du côté du monde entier. Là, dernièrement, il était en Haïti, mm-hmm. pour un concert avec plusieurs autres artistes. Il faut dire que Davido, c'est un artiste nigérien, mais il a réussi quand même à prendre comme une dimension vraiment internationale et tout. Et puis là, c'est vraiment devenu une méga star, quoi. Et donc je pense que c'est pas mal, et ça motive comme d'autres personnes à mettre un peu de sérieux dans leur carrière et tout, pour comme quoi avec un peu de travail il y a moyen d'arriver à des bons résultats. Et aussi toujours au niveau musique, parler de la musique française, ah. Mettons des artistes français vivant des artistes français d'origine africaine, mmh. vivant comme en France, qui font comme beaucoup de concerts ces derniers temps du côté de l'Afrique, en fait. Donc il y a maintenant une vraie relation, un vrai pont entre comme ces différents chanteurs là, parce que avant, ceux qui, peut-être les Africains qui étaient en France, ils faisaient comme leur musique en France et puis ça restait là-bas, et comme ils venaient de temps à autre faire quelques concerts et tout. Mais là, je remarque que les déplacements se sont vraiment densifiés au cours des derniers mois, au cours des dernières années. Vraiment, à chaque mois et tout, il y a tout le temps des concerts, il y a tout le temps des showcases, il y a tout le temps des artistes comme qui viennent pour faire des dates sur le sol africain et tout. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant, et puis surtout que quand ils viennent, ils font aussi comme des featuring aussi avec les artistes locaux et tout. Je pense que c'est comme une initiative qui est plus à perpétuer et tout. Ouais, de s'entraider, de partager la musique. C'est ça, et... de partager, puis de permettre à comme d'autres personnes de toucher un certain public, mettons les Africains qui sont en Afrique, de pouvoir toucher le public aussi européen et ouais, tout. Ben oui. Le public que ces artistes-là ont là-bas, vu qu'eux, ils ont commencé directement de là-bas, donc ils ont le public français ou bien allemand ou je sais pas d'où ils viennent, et permettre à ceux qui sont sur le continent de eux aussi pouvoir avoir une opportunité d'être vus, d'être connus par ce public-là. Ça peut les aider au niveau de leur visibilité et tout, et puis les aider à avancer dans leur carrière aussi. Et d'un autre côté aussi, et aussi ça, ceux qui sont en Europe, ça leur permet à leur tour de pouvoir se faire connaître ici aussi, en Afrique, pardon. Parce que, bon, c'est vrai qu'on les connaît quand même, mais quand j'y connais, c'est parce que quand ils viennent en première partie de leur concert, ils font venir comme des artistes locaux, en fait. Mm-hmm. Et donc, généralement, c'est ces artistes locaux-là, déjà, qui rapportent le public. Et là, ils font un peu le show et tout, un peu le concert, un peu de son. Et quand eux finissent la prestation, l'artiste maintenant qui est international et tout vient pour enchaîner, en fait. Bonne décision. Mais c'est les premiers qui ont quand même chauffé un peu le public et ouais. tout, qui ont permis au public de venir et tout. Sinon, je pense que les concerts dureraient même pas une heure ou deux, ça serait fini au bout de quelques temps. Et je pense que le public serait pas content. Donc quand le public paye, c'est vraiment pour un spectacle complet. Donc ils veulent voir un peu d'autres artistes un peu avant. Et ensuite, maintenant, la personne vient. Là, le spectacle, il est vraiment réussi. Et puis, la plupart des personnes utilisent ce procédé-là, en tout cas, quand ils font des dates. Donc, pour clore cette émission, on va parler un peu de... Je vais parler de musique. Mais avant, je vais juste parler de manga. Ok, oh. Oui, oh, oui. De manga, j'avais juste... dit qu'on parlait des fois de bande dessinée. Ouais, ouais, ouais. Juste de manga parce que j'ai décidé de comme prendre des cours de manga. Ah, oh, pour vrai? Cool. Pour vrai. Et, t'as parlé de ces cours-là? Ouais, j'avais parlé de ça et j'ai vraiment décidé de les prendre. Et ben là, la prochaine session, ça sera malheureusement qu'en été. Ok. Mais d'ici là, j'aurai le temps comme de développer comme ma BD que je souhaitais faire oui. sortir et tout. Ah, c'est fun. Ça s'appelle 2555. Qui, en tout cas, je sais pas si, mais j'ai donné quand même quelques exclus quand même à. Ah oui, c'est ça. Oh, ah ouais, t'as vu ça, toi. à Voix d'Afrique et tout. Donc, en fait, le tome 1 qui s'appelle Les Pierres du Mal va sortir comme au courant de 2019 et tout, tu vois. Et donc, vite fait de même, c'est une BD qui se déroule quand même en Afrique et tout. Et en l'an 2555, ah bah oui, okay. Et à cette ère, en fait, il y a de nouvelles, les énergies qu'on connaît, à ce jour, elles n'existent plus. Okay. Et il y a comme de nouvelles qui ont comme... Il y a une nouvelle principalement que les personnes comme utilisent à cette époque-là. Et cette énergie, on peut la trouver uniquement avec des pierres, en fait. Oh. Et ce sont ces pierres-là qui permettent à comme de fabriquer l'énergie. Et l'intrigue en fait se déroule autour d'une organisation qui s'appelle la Brigade. Ouais. Et cette organisation principalement, elle est comme c'est comme un peu les méchants de l'histoire et qui veulent comme mettre la main sur comme ces pierres là. Et donc tout au long des tomes et tout, ça va un peu parler de ça en fait, de comme ce clash entre cette organisation et une personne qui sera comme le personnage central. Ouais, ouais, peut-être basé sur ouais. toi. Peut-être. peut-être. Donc ça va sortir et tout au long de voilà, tout au long de l'année. Excitant, ça. Je parlerai de ça. Ouais, c'est vraiment ça parce que je parlais un peu de ça sur comme Twitter hier ouais. et j'étais étonné de voir les engagements des personnes qui ont comme qui étaient comme en train de regarder ça. Je dis mais c'est pas. Je dis comme il y a vraiment des gens qui écoutent ce que je suis en train c'est de dire. C'est cool. Puis voilà, donc tu vois, j'ai parlé de ça aujourd'hui pour dire aux personnes que si je vais vraiment le faire. Puis je donnerai des informations tout au long de l'année. On a très hâte. Donc on termine Voix d'Afrique sur la chanson OCG Black, Vieux Gaou. C'est de la Fruit Trap Lingala et c'était Voix d'Afrique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Dominique Note Mavongo, on te retrouve la semaine prochaine. C'est toujours les mardis à 8h30. Et on écoute cette pièce-là et on se retrouve la semaine prochaine. Volume, la casque, ça l'en a bien. Ok, un. Yeah. O luki mwana bato makango boi o fingi yendwala. Pose-toi la question, est-ce qu'on zanjora mi bali petite a lingaka. Ozo bien monga souke ma boko. Baninga ba PC brésilienne. Incompétent que tu es le vieux gaou. Maintenant tu la traites de lesbienne. Bolinga ba jeta me kufa. Vieux gaou bimi sambongo. Matala na pambo zo sala. Ozano atane loko. Matin midi soir on est venu kotanga mosala opona. Sangi non angate, o tu te meya komona. Bolinga ba jeta me kufa, vieka ubi misamango. Matala na pambozo sala, ozano atane loko. J'ai pas le temps de parler, moi, je veux moi boga. Et la veille si gaye, yoga, mon est un boga. Vieka ou, vieka ou, vieka ou, vieka ou, vieka ou, vieka ou, vieka ou, vieka ou, vieka ou, vieka ou, vieka ou, vieka ou, vieka ou. Les gars où vérité neuf on a bimi ça. Réputa ça va nos baby ça. Swag en ailleurs y'a pas villageois. Tu parles malheur on te paie qui part. Tu la qualifies de bordel parce que tu la trouves sexy. Chérie quand tu te pardon y'a qu'à te banner la selfie. moi ton joli sourire. Le vieux gars où il va souffrir. Kaka elle qui vieux gars où a commis nangan dans le toko. La beauté te sert à rien. Et ça solo et mongo. Molo molo et ça bongo. Massa travaille bongo. Voli raba je t'aime tout va vieux gars où bini sa mongo. Matala na pambo zo sala. Ozano atane loco. J'ai pas le temps de parler. Moi je mon avocat. Et la veste gaye. Yoga mon est mon gars. Vieux gars où, vieux gars où, vieux gars où, vieux gars où, vieux gars où, vieux gars où, vieux gars où, vieux gars où, vieux gars où, vieux gars où, vieux gars où, vieux gars où, vieux gars où, vieux gars où, vieux gars où, vieux gars où, vieux gars où, vieux gars où, vieux gars où, vieux gars où, vieux gars où, vieux gars où, vieux gars où, vieux gars où, vieux gars où, vieux gars où, vieux gars où, vieux gars où, vieux gars où, vieux gars où, vieux gars où, vieux gars où, vieux gars où, vieux gars où, vieux gars où, vieux gars où, vieux gars où, vieux gars où, vieux gars où, vieux gars où, vieux gars où, vieux gars où, vieux gars où, mambo kana oi, kobon mon avis, il n'y a pas de l'or. Bounaka bounaka si ta mort. Profite bien de tes beaux moments. Donne-toi à 100% vega ou car la vie c'est un combat. Molo, molo, la vie est ça, Yema Takunda. Vega ou, vega ou, vega ou, vega ou, vega ou, vega ou, vega ou, vega ou, vega ou, vega ou, vega ou, vega ou, vega ou, vega ou, vega ou. Pasteur général, tout se passe comme prévu. XI, ah, LBI, LBI, Niata. Un sondage de qui? Pour toi aujourd'hui. Un sondage de qui? Vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage de qui? Pour toi aujourd'hui. Assemblage de qui? Troisième heure, l'assemblage requis en ce mardi matin, 6 février 2018. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Mm-hmm. Dans quelques instants, Jimmy Thibodeau va être avec nous pour sa chronique Gauche Arbée Vue, lui qui va prendre le sujet de la gauche et le critiquer un petit peu, c'est ce qu'il fait. Hein? Oui, il le fait très bien. Oui, ça tire le trouble des fois, on dirait qu'il cherche le trouble. Ouais. On aime ça, on aime ça. Donc, Jimmy Thibodeau dans Gauche Arbée Vue dans quelques instants. Avant ça, par contre, on retourne à plus tôt dans l'émission où on a fait le blog des palmarès C'est fou. On avait dit au revoir à plusieurs pièces et on avait envie d'en entendre une au complet. Ben oui, tout à fait. C'est number 53. The Weeds. Ah oui, tout de suite, assemblage OK. I want to pick. échec et mat sous la pluie. Tu prends l'avantage et tu dis que ce n'est pas sage, mais j'en Erreur 404 de l'impératrice. Et avant ça, bien, on a entendu 53 de Weezer. Exactement. Deux pièces qui étaient dans Palmeras and Peace. Exactement, deux pièces qui nous ont quittés très récemment. J'ai des nouvelles de Jimmy Thibodeau, il s'en vient. Il est en route dans moins de 5 minutes, il devrait être avec nous. Donc, on a le temps d'entendre une autre pièce, au moins. Mm-hmm. J'espère que juste une, ça va être correct. Hein? Ben oui. Donc, on écoute Soul Jazz Orchestra avec Doggy Dog. Et on revient avec Jimmy Thibodeau et Gauchère Bévue dans quelques minutes. Restez avec nous. We are all in the same system that's exploiting us, that is taking advantage of everybody. That's the whole story. You have those working with the system getting fucked by the system. You see, it's dumb. We all remain in the same system sold to us for generations. Since the Western society became the imperial power. We'll be right back.

secours. Pas mal bon, ça. Le band qui dit le nom de son band dans ses tours. Ah, ouais, mais tu sais, hein, si tu veux que les gens sachent ce que c'est de nos jours. Hein, c'est comme ça. Tu chasameras pas ça quand même. Donc, toujours Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. Et justement, détachée, mais en même temps, il vient se rattacher à nous, ouais, telle une remorque ou quelque chose d'une analogie de construction, parce que la route est difficile ce matin. Jean, sur les quatre flashers. Mm-hmm. C'est ça. Chantier de construction, neige à profusion. Entre autres. Mais il est là, Jimmy Thibodeau. Pour Gauchère bien vu, on explique le concept comme toujours. C'est un gars de la gauche, Jimmy Thibodeau. Oui. Hein, quand même. Et il nuance ses propos, mais chiale quand même un petit peu contre ce que la gauche fait des fois. Certaines choses, effectivement. Certaines choses. Est-ce que t'es controversé aujourd'hui? Ben non, c'est ça, justement, non. Fait que. En fait, au Québec, ce serait pas controversé. Ce serait très controversé ailleurs, mais okay, ici, c'est quand même quelque chose, je pense, où je vais avoir de l'appui. De l'appui. Et le beau temps. Ouais, c'est ça, dans l'auditoire. Voilà. Fait que dans le fond, je vais parler de souverainisme. Hop. Oh, okay. Aucunement controversé, hein? T'as raison. Oh. Mais non, pas controversé du tout. Ouais, quand même. Mais t'sais, mettons si dans la gauche à Trois-Rivières, souvent, c'est très souverainiste ou indépendantiste. Là, ouais. Donc, il n'y a pas nécessairement de controverse à ce niveau-là. Mais par contre, si on va dans d'autres gauches ailleurs dans le monde, ou même plutôt à Montréal, il y a plus de progressisme fédéraliste. Mm-hmm. Et même chose dans le monde aussi. Il y a beaucoup de gauches qui sont vraiment comme carrément anti-nationaliste et anti-indépendantisme. C'est un discours qui ressort de plus en plus de ce temps-ci. Puis il y a plusieurs exemples de ça. Au Canada, c'est très vrai. Là. Partout au Canada, il y a des gens qui sont très, très pro-fédéralistes. Puis à Montréal aussi, un petit peu, il y en a. En Europe, il y a beaucoup de rumeurs, de gens de gauche qui rêvent même d'un fédéralisme européen, là, rien de moins. Okay. Ça, c'est quelque chose qu'on entend vraiment très, très souvent. L'Union européenne devrait comme avoir un gouvernement central, comme ça, il n'y aurait plus de chicanes entre les pays, tout ça. C'est comme une sorte d'idéal de paix. De pensée magique, oui, c'est ça. C'est ça, quelque chose comme ça. En Belgique, même chose. C'est souvent les gens de droite qui sont indépendantistes. En Belgique, il y a deux grandes régions. Il y en a trois. Il y en a une qui est allemande, mais les deux principales, c'est une qui est néerlandaise, la Flandre, mm-hmm, et l'autre qui est la Wallonie, qui est plus francophone. En Belgique, les Wallons, qui sont francophones, sont très, très contre l'indépendance la sécession de la Belgique en Flandre et Wallonie. Et tandis que les Flamands, eux, sont plus souvent de droite et plus souvent pour l'indépendantisme. D'ailleurs, le parti qui a le plus de voix, le plus de sièges en Belgique en ce moment, c'est un parti indépendantiste. OK. Mais ça me surprend, on dirait, parce qu'au Québec, c'est à gauche l'indépendantisme. Ouais. Donc, comment ça se fait que là, c'est à droite? Qu'est-ce qui explique ça? Tout à fait. Ça, c'est un phénomène qui est vraiment très intéressant. Puis on le voit aussi au Royaume-Uni, hein, parce que avec le Brexit, il y a des comparaisons qui sont comme... Il faut faire attention tout le temps, parce que le Brexit, c'est pas nécessairement de l'indépendance en tant que telle. C'est sorti d'un accord économique, tandis que dans l'indépendance, c'est vraiment comme l'indépendance par rapport à une autorité politique. Ouais, parce que la Grande-Bretagne l'Angleterre va rester son propre pays. Oui. De toute façon, ça changera pas. C'est ce qu'ils seront plus dans l'Union européenne. Ouais, alors qu'ici, on parle de créer un pays avec quelque chose qui est un département, une province, un quartier, je sais pas. Exactement. Le cas de l'Écosse versus l'Angleterre est beaucoup plus pertinent pour parler de c'est quoi l'indépendance, mm-hmm, aussi. Mais l'Écosse et le Québec, je pense que c'est deux exceptions où on voit comme que l'indépendantisme peut être de gauche, là, beaucoup. Mais ailleurs, c'est effectivement un peu plus de droite. Peut-être en Catalogne aussi, où il y a un petit peu de l'indépendantisme de gauche. Mais souvent, c'est associé avec la droite. Puis on l'a vu avec le Brexit, on l'a vu avec la Belgique, partout en Europe aussi. Beaucoup de partis indépendantistes en Allemagne ou dans les pays d'Europe de l'Est, aussi en Italie aussi, en Europe de l'Est. On les associe souvent avec des ultranationalistes, les gens qui sont indépendantistes. Okay. Ouais. Ce qui est surprenant par ultranationaliste voudrait dire le pays dans lequel tu es déjà et non pas le pays que tu voudrais créer. Oui, tout à fait. Ouais. Un exemple, c'est les Italiens du nord-est qui sont... qui sont plus d'origine allemande et qui parlent aussi un petit peu allemand, eux-mêmes qui veulent, qui sont souvent beaucoup plus de droite et beaucoup plus identitaires. Et pourtant, c'est ça, ils sont comme nationalistes entre guillemets, mais pas pour l'Italie. Là. Pas pour le pays dans lequel ils sont. C'est spécial. Ouais. Donc c'est ça la tendance. Mais pourquoi de la chose, c'est intéressant. J'imagine qu'il y a des bonnes et des mauvaises raisons d'être indépendantiste aussi. Il y a du nationalisme évidemment ethnique qui est vraiment basé sur les origines des personnes, ça qui me semble, ben, c'est sûr, il y a du racisme derrière ça. Il y a aussi l'indépendantisme plus de gauche, plus progressiste, qu'un nationalisme civique, si on veut, où là c'est vraiment basé sur la citoyenneté puis là, un projet de société, c'est ça qui est en Écosse, au Québec ou, et tout ça. Mais pourtant, bon, dans la gauche, souvent on associe indépendantisme et nationalisme et racisme du même coup. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment pas de soi. Puis je pense qu'au Québec, on le comprend très bien. Là. C'est pas parce qu'on est indépendantiste qu'on est nécessairement raciste. Et ça, ça a l'air vraiment évident parce qu'on a entre autres Québec solidaire ici qui est clairement pas raciste, mais qui est indépendantiste. Puis d'autres exemples comme Option nationale, certaines branches du PQ aussi où il n'y a aucune controverse sont très progressistes aussi. Donc, ça peut sembler aller de soi au Québec, mais quand je dis ça, ça peut être vraiment très controversé ailleurs dans le monde. Là. Si tu parles de nationalisme en Europe, ça a une connotation extrêmement négative. Donc voilà pour cette association-là. Et quand on regarde des pays en particulier, soit les gens de gauche ont des arguments vraiment particuliers pour comme plaider en faveur du fédéralisme ou de l'anti-indépendantisme. Au Québec, on a des arguments un petit peu généraux, mais par exemple, si on prend la Catalogne, on a vraiment critiqué vertement partout en Europe le fait que la Catalogne veuille son indépendance puis faire ses démarches pour. Mais en même temps, le système était carrément contre eux. La Constitution espagnole disait que c'était impossible de faire la sécession catégoriquement. Puis, il fallait bien qu'on soit illégal à un moment donné en Catalogne parce que, par définition, selon la Constitution espagnole, faire l'indépendance d'une région, c'est illégal. Fait que c'est sûr qu'il faut être illégal. Fait que, puis, t'as plein de gens de gauche qui disent en Europe, « Ouais, mais vous avez fait ça de manière illégale, vous êtes illégitime, vous êtes un... » Mais ils ne pouvaient pas faire ça autrement, c'est ce que c'est ça. Ouais. Ben exactement. Vous êtes un gouvernement pas de rebelles, mais de voyous, tu sais. Ben oui, des petits bums. C'est ben ça. Ouais, ben oui. Mais comment veux-tu agir quand le système est contre toi? Ça, c'est un reproche qui était vraiment, vraiment contre eux autres. Il y a des gens de gauche qui ont même appuyé la répression des référendums en Catalogne et qui ont appuyé carrément le renversement du gouvernement catalan, ce qu'il y a eu récemment, en Catalogne. Le gouvernement qui était en place avant a quand même été réélu, mais par contre, il a été renversé. On a déclenché d'autres élections de manière complètement arbitraire parce qu'on s'est dit, on n'aime pas le pouvoir qui se fait en Catalogne en ce moment. Puis il y a des gens de gauche qui ont dit, ils vont pas selon les règles, fait que c'est ça qu'il faudrait faire, puis on veut pas briser notre Europe. Ça fait partie, je pense, d'une logique un petit peu absurde. On est citoyen du monde, ou citoyen européen d'abord et avant tout. Mais c'est pas comme ça que ça marche dans le fond, le monde, parce que si on veut vraiment comme être citoyen du monde puis dialoguer avec les autres dans le monde, mais il faut être représenté par des gens. On veut pas parler à tout le monde en même temps. Puis comment on peut faire pour représenter une certaine partie de la population pour que tout le monde ait une voix égale dans le monde? C'est par les États-nations, c'est par le fait que chaque nation a son État qu'il peut lui représenter. Chaque groupe de personnes qui ont des racines communes puis une histoire commune peuvent se réunir puis avoir un gouvernement puis être représenté dans le monde. Dans le cas du Québec, c'est la même chose. Si on est vraiment une nation différente du reste du Canada, puis qu'on on a comme une voix différente à donner dans le monde, c'est en étant indépendant qu'on peut être plus proche du monde. C'est pas en étant dans le fédéralisme qu'on va être plus proche du monde. C'est ridicule. Là. C'est pas l'indépendance, c'est pas un réflexe de fermeture comme certains le croient. Au contraire, c'est avec des trucs comme l'indépendance qu'on peut être dans le monde. T'sais. Mais de ce côté-là, tu dis ça, mais de l'autre côté, tu dis pour les gens qui ont des racines communes, alors là, est-ce que ça devient pas quelque chose qui est basé sur l'ethnie ou sur la race? Ouais, non, c'est sûr. Faut faire attention à ce qu'on dit. C'est sûr que par racines communes, il y a les racines communes qui sont ethniques aussi, mais aussi les racines communes qui sont plus historiques. De culture, peut-être. C'est ça, ouais, c'est de culture aussi. Ou... même les nouveaux arrivants ont certaines racines du moment qu'on inculque une certaine culture, parce que leur culture ont des racines historiques. Puis aussi au Québec, on est une nation multi-ethnique aussi. Ce serait donc un lien comme commun ou un sentiment d'appartenance envers un territoire défini par des frontières. C'est ça. Puis les gens qui sont au Québec ont aussi une histoire. Au Québec, on n'a pas juste des colons de Nouvelle-France, des colons français. Là, on est pas juste ça. On est aussi des Anglais, beaucoup d'Anglais qui sont arrivés ici. Il y a eu du métissage aussi avec les Autochtones, avec des immigrants européens de tous les pays, Irlande, entre autres, Italie et tout. Donc ça, il ne faut pas négliger ça. On n'est pas d'origine française, c'est loin d'être vrai. Donc, moi, ça, c'est la parenthèse pour le Québec. Si on prend le cas de la Belgique, par exemple, aussi, souvent quand tu regardes la Wallonie, puis pourquoi on est contre l'indépendance au niveau de la gauche, soit c'est des arguments économiques, étrangement, et pourtant, c'est des arguments qu'on retrouve d'habitude dans la droite, c'est-à-dire la Wallonie dit souvent « Ah, l'indépendance, ça se fait pas, c'est impossible, ça va nous miner notre développement économique, ou des... » Tu sais, comme si l'économie, c'était comme la seule chose qui déterminait si une chose est bonne ou pas. Mm-hmm. C'est un peu un discours qui revient aussi en Belgique. Donc, des arguments un petit peu étranges. Et aussi la logique de citoyen du monde que je viens de parler. Pour avoir une voix dans le monde, il faut être représenté. Puis, comment diviser le monde autrement que par nation? Il me semble que c'est le truc le plus logique. Ouais, ben, je vois pas vraiment comment tu pourrais faire ça autrement que ça. Genre, chacun aurait sa forme prédéterminée. Genre, ça, c'est des cercles. Ouais, c'est ça. Des triangles. On peut clairement pas comme prendre la carte puis diviser ça en parties égales non plus. Non, c'est ça. Ça serait bien, bien pire. On fait déjà ça avec des districts et les autres paroisses. Oui, exactement. Ça, qui n'a aucun sens. Là, mais on se ramasserait avec des régions où tu as des gens qui ont des idées complètement différentes et qui seraient représentés par la même personne, le même gouvernement. Donc, il me semble que le nationalisme, c'est le truc le plus. Qui va le plus de soi. Puis c'est drôle parce que quand on regarde dans l'histoire aussi, tu remarques que. On a appuyé des trucs d'indépendance. Puis c'est normal. Tous les cas de décolonisation, par exemple l'Algérie versus la France, la gauche a appuyé l'indépendance de l'Algérie. On a appuyé l'indépendance des États-Unis par rapport à la Grande-Bretagne. On a aussi appuyé le fait que des pays des régions de l'URSS se fassent la sécession de l'URSS, comme par exemple l'Ukraine. Donc on a tout appuyé ça. Même chose avec des régions opprimées aujourd'hui. On appuie souvent leur indépendance. Par exemple le Tibet, qui est opprimé par la Chine, la Palestine qui est opprimée par Israël, le Sahara occidental qui est opprimé aussi par le Maroc, le Soudan du Sud qui était opprimé par le Soudan du Nord et qui là, il y a eu une sécession, donc c'est fait. Puis on a même appuyé le Cachemire aussi, qui est une région, mais qui n'a pas de gouvernement ou quoi que ce soit d'autre. Une région qui est disputée entre le Pakistan et l'Inde. Une région trois épaisseurs. Le Cachemire. Et finalement, aussi, l'exemple le plus bizarre, Taïwan. Beaucoup de gens de gauche qui appuient l'indépendance de Taïwan. Le Taïwan qui est réclamé à la fois par la Chine et par le gouvernement qui est à Taïwan. Mais en fait, les gens de Taïwan ne veulent pas l'indépendance de leur île. Par rapport à la Chine, ils ont comme un statut spécial. Mais c'est parce que, ça c'est une histoire intéressante, avant le gouvernement communiste en Chine, il y avait un autre gouvernement, ça s'appelait la République de Chine. Maintenant, c'est la République communiste de Chine, je pense. Donc, la République de Chine, elle a été repoussée par la République communiste et cette République-là s'est repliée vers Taïwan. Et depuis ce temps-là, c'est cette République-là, l'ancienne, qui gouverne Taïwan et la nouvelle qui gouverne toute la Chine continentale. Donc, les deux gouvernements réclament l'ensemble du territoire chinois, incluant Taïwan, en fait. Okay. Ouais. Donc, les gens de Taïwan, en fait, disent « Non, la Chine aussi nous revient de droit. » Donc, on peut pas comme dire « On veut être indépendant à Taïwan » parce que ça dirait « Ben, c'est comme ça serait... » Ça serait comme laisser le reste de la Chine au gouvernement communiste. Laisser tomber ça. Ouais. Fait que ça n'a aucun sens. Et pourtant, tu as des gens de gauche qui appuient ça, mais qui n'appuient pas d'autres mouvements clairement plus indépendantistes assumés. Et donc, c'est un peu bizarre à ce niveau-là. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? C'est comme un double discours. Quand une région qui est opprimée ou une nation qui est vraiment opprimée violemment, il faut leur indépendance. Mais quand c'est opprimé de manière beaucoup plus, politique et plus systémique, là, finalement, il ne faut pas faire trop de brasse camarade. Il faut quand même être pour le statu quo et tout ça. C'est un peu bizarre. Et aussi, un autre argument qui me semble vraiment super important, mon dernier là-dessus, qui est vraiment comme contradictoire. Tu sais, la gauche, des fois, est contre le nationalisme, mais en même temps, le nationalisme est super important pour plusieurs idées de gauche. notamment la reconnaissance des droits des minorités. Mm-hmm. Comment veux-tu faire des accommodements raisonnables, par exemple, si tu n'as pas de reconnaissance des nations? T'sais, par exemple, la communauté arabe, comment tu peux reconnaître qu'il y a une... si tu es contre le nationalisme, il n'y en a pas de nation arabe. Parce que tout le monde est pareil. Il n'y en a pas de nation de ci, de ça. Tu peux pas leur... Donc, si tu fais des accommodements raisonnables, tu fais des accommodements raisonnables à qui? Si t'as pas de nationalisme, si tu reconnais pas la notion de nation, puis tu dis que c'est une chose qu'il faut effacer, ben tu peux pas accorder des droits spéciaux à certains membres de certaines nations, forcément. Mais si en même temps ton nationalisme est au niveau du Canada, là tu peux avoir des sous-divisions. Ben les sous-divisions, ben ça dépend. Reconnaître ces communautés-là sans avoir à faire, sans avoir à les mettre à part comme le Québec ferait, disons. Ouais, mais l'argument vraiment des antinationalistes, c'est de dire tout le monde est pareil, puis il n'y a aucune distinction à faire au culturel sur quelque niveau que ce soit, ni politique, ni quoi, ni rien d'autre. Donc, tu penses que quelqu'un qui serait antinationaliste il reconnaîtrait même pas le Canada, c'est juste je suis dans le monde, je suis pas canadien. Ben, le Canada devrait ça dépend. Il y a des antinationalismes qui disent « Ouais, il faut des gouvernements séparés un peu parce que dans le fond, on n'a pas le choix puis c'est un mal nécessaire. » Mais tu as d'autres antinationalistes qui vont dire « Non, il faut aucun gouvernement nulle part. Il faut un gouvernement mondial unitaire. » Il y a aussi ces arguments-là qui, quand on pousse ça à l'extrême, là, ça existe beaucoup. Puis on voit un petit peu ça avec le fédéralisme européen et tout ça. Puis donc, ça marche juste pas au niveau des accommodements. Les critiques de gauche sur l'impérialisme culturel. On reproche beaucoup aux États-Unis ou à d'autres pays de l'Occident d'imposer leur culture à d'autres pays par les médias, par la présence militaire, des choses comme ça. Mais comment on peut vraiment reprocher un impérialisme culturel d'une nation sur une autre si la notion de nation n'existe pas non plus? Donc, comment on peut respecter les droits culturels des nations si on ne reconnaît pas les nations non plus? Autre exemple final, le dernier qui est, je pense, vraiment le plus probable, l'appropriation culturelle. On reproche des fois à des gens d'utiliser des signes culturels d'autres nations, d'autres communautés culturelles, de manière, on voyait où je veux en venir, de manière illégitime. Tu sais, c'est, on s'approprie quelque chose de manière violente, on le détourne, on fait une caricature, etc. Oui, mais tu sais, si y a personne qui appartient à aucune nation, ou si cette distinction-là devrait être effacée. Ben oui. T'appropries quoi à qui, là? Dans le fond, tout appartient à tout le monde. Il n'y a aucune appropriation culturelle possible. Fait que si t'es de gauche, puis t'es vraiment comme citoyen du monde, c'est donc beau, un citoyen, un gouvernement mondial, les Nations Unies comme gouvernement, blablabla. Il faudrait peut-être un petit peu penser aussi à ces autres valeurs comme être contre l'appropriation culturelle, par exemple. Donc, ça me fait bien rire des fois des gens qui sont vraiment antinationalistes. Mais dans le fond, tous leurs principes, leurs valeurs de gauche sont basées là-dessus. Donc, ce qui me fait dire que l'indépendance, c'est progressiste, puis ça n'a pas nécessairement besoin d'être affilié avec la haine ou la haine de l'autre. Pas du tout, c'est loin d'être ça. Donc, voilà. Tout n'est pas nécessairement noir ou blanc, comme on dit. Il y a plein d'entre-deux et on peut pas être dans une extrême ou dans l'autre. Mais ton sujet était aujourd'hui absolument aucunement controversé. Tout le monde... C'est ça. C'est juste un petit peu de controverse, mais dire au Québec, c'est sûr que d'une certaine manière, c'est moins controversé qu'ailleurs. Peut-être moins qu'ailleurs, mais je pense pas que ça l'est pas du tout. Non, c'est sûr. Puis on le voit aussi un petit peu avec des gens de gauche qui sont fédéralistes, qui on le voit de plus en plus grandissant. Là, on le voit avec la création du NPD du Québec. Genre de voir jusqu'où ça va aller. Mais c'est une voix qui devient de plus en plus controversée, effectivement. Mais qu'il est encore bon. Quand même. Bref, c'est intéressant tout ça. J'ai appris plein de choses. Merci. Jimmy Thibodeau. Ben, merci à vous. Est-ce qu'on se retrouve la semaine prochaine? Tout à fait. Les mardis matins à 9h, c'est ça? 9h. D'habitude. J'étais plus sûr, je regardais l'horloge, quelle heure c'était? Donc, mardi prochain à 9h, Jimmy Thibodeau, merci encore. Oui, merci. On prend une pause. Au retour, on va s'acheter des gadgets. Oh là là! Dans 5 secondes de réponse, là, c'est là. Pour toi aujourd'hui, assemblage de qui? Oui. C'est fou, 89.1 FM. toujours dans l'émission Assemblage requis pour quelques instants seulement avec vite. Mathieu Plante. Et Tania Baudin. Et oui, parce qu'on s'en va acheter des trucs, Mathieu, apparemment. Ben oui, c'est ça, là, acheter des trucs. C'est un des petits plaisirs de la vie. Crache le cash. Hein? Crache le cash. Dans 5 minutes, ça devrait répondre, là. Là, la chronique, on achète des choses sur Internet et qu'on le regrette instantanément. On a de moins en moins de temps à travers l'histoire de faire cette chronique-là, oui, donc on va y aller rapidement. Commençons par un bol de céréales, nouveau genre. Tu sais, quand tu manges tes céréales, t'aimes pas ça qu'elles deviennent toutes détrempées. Mm-hmm. C'est plate. Ah, moi, j'haïs ça. De toute façon, les affaires détrempées, ça m'étonne. Des cornflakes molles. Il y a personne qui aime ça. Donc, voici le O-Bowl. Never Soggy Cereal Bowl, c'est littéralement un bol qui est plus en forme de cuvette de toilette, je te dirais, mm-hmm. avec un soc pour pouvoir insérer ta main. Et dans le bol, c'est séparé en deux sections par une petite vague. Et t'as un côté où les céréales vont et l'autre côté où le lait va. Okay. Donc avec ta cuillère, tu peux vraiment les faire glisser comme dans une glissade d'eau dans un parc thématique, littéralement. Donc tes céréales, tu les prends avec ta cuillère, tu les fais descendre la petite côte et tu les trempes dans ton lait et tu vas t'assurer de jamais avoir des céréales molles. C'est fantastique. C'est merveilleux. Ils sont à 50% de rabais en ce moment. Ils sont envoyés partout dans le monde. Par contre, je ne comprends pas le prix. C'est 80$ normalement. Mm-hmm. Et là, 40$ en rabais. Mais pour un bol US en plus, c'est vraiment extrêmement cher. Je voulais en acheter un. Pour vrai, j'étais en train de cliquer sur le bouton jusqu'à temps que je vois le prix. Les critiques sont super bonnes. Les photos sont super belles. Mais sérieusement, même à moitié prix, 40$. Rien, ouais, c'est ça. Rien, non. Un bol. En tout cas. On reste dans la nourriture et on reste dans un bol, en fait, probablement, pour ceux qui aiment manger le fond de leur pot de beurre d'arachide, de Reese, peu importe. Moi, j'aime bien la tartinade aux Reese's. Mm-hmm. Hein? Voici la PB Spoon. Ça ressemble un petit peu aux cuillères avec un bout en caoutchouc, en silicone, que t'as habituellement pour, je sais pas, virer tes œufs ou n'importe quoi. Ouais. Ou détendre du glaçage. C'est la même chose, mais c'est vraiment littéralement une cuillère. Donc, t'as le petit bâton. C'est de la grosseur d'une cuillère à la place de la grosseur d'une... d'une grosse cuillère pour faire du glaçage. Donc, un petit bâton de bois bien ciré et au bout, t'as un embout en silicone en forme de cuillère et de l'autre côté, c'est plat. Donc, tu peux vraiment faire le tour de ton pot et puis après ça, lécher ça directement à même la cuillère. Donc, c'est le designer de produits Chris Herbert, fondateur de Herb's Furniture Company, un petit studio de meubles en ligne avec vente en ligne qui a développé PB Spoon, donc un mélange entre une cuillère de bois et une spatule en silicone faite pour extraire chaque restant de votre peau. C'est vraiment malade et c'est sur Kickstarter en ce moment. C'est le genre de choses que j'aimerais encourager. Il fallait donner de l'argent avant le 11 janvier. Je peux aller cliquer sur le projet comme je l'ai fait une fois de temps en temps. Je peux pas. C'est sûr qu'ils se sont rendus à leur but. Là. Ouais. C'est en précommande en ce moment, c'est oui. Sûr. Ça va être envoyé en juin. Hein. T'as pas le choix, là. C'est une des meilleures idées que j'ai jamais vues. Ensuite, continuons dans le même domaine des ustensiles avec la Nork. Tu connais sûrement la Spork, ouais. Qui est le mélange entre spoon et fork, donc cuillère et fourchette. À la place, là, c'est la Nork. Donc, Nork comme dans knife et fork, c'est le mélange entre couteau et une fourchette. Donc, littéralement, une fourchette de métal, j'imagine en acier inoxydable. En tout cas, c'est le look que ça a. Et ça tranche sur le côté parce que c'est un petit peu plus acéré. Okay. Sur le côté de la fourchette pour pouvoir facilement couper, dans ce cas-ci, un steak. J'imagine sans te trancher la joue. J'espère, parce que, en tout cas, ça a pas l'air super sécuritaire, mais apparemment que ce l'est. Hein? Okay. Donc la Nork qui est fait pour votre façon de manger naturellement, c'est-à-dire sans avoir à changer de main pour ton couteau. Hein? Donc c'est un nouveau design, 52$ canadiens. Ça me dit pas c'est pour combien. Est-ce que c'est pour pour 5, c'est 79,46$. Mais c'est disponible au Canada si ça vous intéresse. Et c'est disponible en plusieurs couleurs. Restons dans la cuisine. Et pas mal un ustensile. Je pense qu'une paille, ça pourrait être considéré comme un ustensile. Oui, ben oui. C'est la Lolly Straw, la paille qui devient comestible. OK. Hein, pour débarrasser la planète du plastique qui pollue nos eaux. T'as entendu peut-être dans les nouvelles quelque part où il y avait un pays qui bannissait les pailles, à part si on les demandait spécifiquement. Oui. Qu'elle avait pu les donner par défaut. Bref, voici Lolly Straw, la première paille comestible, hyper compostable et dégradable dans l'eau au monde. Cette paille, pas comme les autres, est l'invention de Chelsea Briganti et Leanne Tucker de Lollyware. Elles espèrent que leur paille Lolly Straw remplacera les 500 millions de pailles en plastique utilisées aux États-Unis chaque jour. C'est fait à partir de nouveaux matériaux à base d'algues qui ressemblent au plastique, mais auxquels on peut ajouter un parfum ou des nutriments, parfait pour ajouter une expérience particulière quand on boit un cocktail, par exemple. La paille comestible, ça sent bien. Bonne idée, je trouve. Ben oui. Ensuite, on aime les Legos. Oui. La première fois qu'on bâtit avec des Legos, d'habitude, c'est une maison. Imagine pouvoir commander ta maison que t'as déjà en version Lego. Oh boy! Hein? Immortalisez votre maison comme jamais auparavant avec un modèle Lego de votre propre maison. Vous soumettez des photos de votre maison et la boutique Etsy Little Brick Lane va créer une miniature détaillée de votre maison faite juste à partir de Lego. Tout ça pour la bagatelle de $3,657.50. Juste ça! Pour votre maison en Lego. On peut même pas habiter dedans. Mais au moins, t'as pas pied de terre. Hein? Ouais, au moins. Ensuite, on va à la salle de bain. Des fois, la nuit, tu te cherches dans la salle de bain. Il y en a qui vont essayer des petites lumières autour de leur bol, des trucs comme ça, une petite lumière, un détecteur de mouvement. Mais à la place, casse-toi pas la tête. Achète-toi du papier de toilette qui brille dans le noir. Ah, écoute, hein. T'auras plus jamais à t'en faire avec ça. Rien de moins. Sachez comment vous vous... évidemment, votre besoin que vous essuyez, lui, ne sera pas brillant dans le noir. Donc, je sais pas, peut-être que ça va masquer la... Je sais pas. Ouais, tu peux sur. Ouais, j'imagine que ça va masquer le papier de toilette quand tu vas t'essuyer. Fait que tu vas pouvoir finir par voir que t'as fini. Hein? C'est pas. Bref, $13. C'est sur Amazon. C'est pour un seul rouleau, hein. C'est pour un seul rouleau. Wow. Parfait comme cadeau blague dans un échange de cadeaux, ouais. On reste dans la salle de bain avec le Smart Toilet Seat. Révolutionnez votre expérience à la salle de bain sans dépenser une fortune en installant le siège de toilette intelligent sur votre bol de porcelaine. Ça vient avec plein de choses extravagantes, dont un siège chauffant, une lumière de nuit, justement. Hein? Ça vient pas avec du papier de toilette qui brille dans le noir. Ben non. Bidet avec une eau chaude réchauffée, hein? Un masseur et une télécommande sans fil. Parce que pourquoi est-ce que tu voudrais un fil? Ben ouais. T'es ça à la toilette, tu peux avoir un fil. En tout cas, bref. $250 canadiens pour ça. Ensuite, est-ce que tu te laves les dents dans la douche? Non. T'économiserais de l'eau? Hein? Ouais. À vous. Donc voici le In-Shower Oral Care System. Laissez tomber votre seau dentaire et votre brosse à dents normale et donnez à vos dents le nettoyage qu'ils méritent avec ce système de nettoyage des dents pour dedans la douche. Donc les brosses standards nettoient seulement 60% de la surface de vos dents, alors que Tooth Shower, elle, enlève 100% des saletés, couvre 100% de la surface de vos dents, dit-il. Wow. Tout ça pour, c'est pas mal le prix d'une brosse à dents intelligente de nos jours, $115, sauf qu'elle a pas l'air intelligente du tout. Pas la fille qui est sur la photo, mais la brosse à dents. C'est une brosse à dents normale, finalement. Mais pour la douche. Ensuite, quand tu dois coller des choses, tu sais, là, tu dois tout le temps te sortir des bouts de papier collant pour mettre sur ton sur quelque chose. Tu vas les mettre, bon, sur le coin de la table, temporairement, pour après ça pouvoir emballer tes cadeaux, mettons. Ah, OK, oui. Bon, ben, tu pourrais, à la place, porter un genre de bracelet distributeur de papier collant. Ça existe, ça. Ça existe. C'est par 3M. Il y a une version bandoulière autour de votre front, qui est fantastique, apparemment. Hein? Ici, c'est, j'imagine que c'est pas mal le même produit, parce que l'élastique est peut-être juste plus serré sur le poignet. Ici, la personne le met sur sa paume, si on veut. L'élastique est sur la paume et le distributeur est sur le dessus de sa main. Oui. 3,50 pour 3 emballages de 75 bandes de papier collant. Donc, c'est super peu économique, hein, parce qu'ils sont pré-coupés, les bandes. À la place d'avoir un gros rouleau, c'est vraiment des petites bandes de papier collant qui sont exactement de la longueur du bracelet. Fait que t'as même pas le choix. Tu peux même pas choisir ta longueur. Mais ouais. Mais bon, parfait pour emballer des cadeaux. Ensuite, un lave-vaisselle qui va sur le comptoir. Un lave-vaisselle qui va sur le comptoir. Je te jure, déjà, tu sais, bon, les gens ont des lave-vaisselles portatifs. Ouais. Ça peut être pratique. Tu peux avoir des laveuses portatives. Mm-hmm. Mais là, sur le comptoir, donc minuscule, pour laver très peu de vaisselle à la fois. Et c'est une bonne idée. Mais c'est vraiment le fun. Et t'as même pas besoin d'avoir un tuyau d'eau qui passe là-dessus. Je pense qu'il faut que tu charges l'eau à la base, si je me rappelle bien. C'est ça, c'est en partenariat avec Frog. La compagnie Heatworks a lancé le Tetra, qui est donc un lave-vaisselle de comptoir. Qui te permet de regarder la vaisselle en train d'être lavée. Sur la photo, c'est transparent. Ben, c'est le vrai produit qui est transparent aussi. On dit que la maisonnée américaine moyenne, c'est 2,5 personnes. Donc, le Tetra est fait pour laver deux couverts complets en 10 minutes avec seulement un demi-gallon d'eau. Donc c'est beau, nous dit-on. Ça satisfait ta curiosité de voir comment on lave de la vaisselle. Mm-hmm. C'est écologique, ça sauve de la place aussi. Contrairement à un lave-vaisselle, évidemment, ça sauve pas de place parce que t'as un gadget de plus sur le comptoir, là, mais en tant que tel, au moins, t'auras pas à avoir un spot, un cube dans ta cuisine occupé par ton lave-vaisselle. Bref, et c'est super rapide aussi. Super rapide. Et ça demande aucune installation, à part le brancher dans le mur. Et t'as même pas besoin de le brancher, comme je disais, sur un tuyau d'eau. Donc, ça profite d'un élément chauffant unique, le Tetra. Un peu comme une cafetière, on verse l'eau à l'intérieur à l'avance. Donc, c'est plus, t'es plus conscient de l'eau que t'utilises. Voilà. C'est cool, hein? Ouais, vraiment. J'aime vraiment bien. Et ça utilise des électrodes de graphite qui va chauffer les minéraux qui existent dans l'eau. Bref, vous pouvez en savoir plus sur le fonctionnement de tout ça sur assemblagerequis.com. Ça va coûter environ 300$ US, ce qui est vraiment pas si cher pour la vaisselle. Et voilà, c'est tout. On a fait un petit groupe de gadgets dans ce bloc. Allez voir les notes de l'émission sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission numéro 1198. Voilà. C'est la fin de l'émission pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Ben oui, c'est vrai. Merci à Jimmy Thibodeau. Oui, pour Gauchère Bévue. Merci à Dominique Notte-Mavungu pour Voix d'Afrique. Marc-Olivier Dumas pour Sport et Flocher. Et voilà, merci à toi, Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. Demain matin, on sera mercredi, donc on va voir Sébastien F. Gertin pour son bulletin Gertin en début d'émission. Ensuite, présence spéciale à une heure exceptionnelle. Gabriel Béaud va être avec nous à 7h30 demain, très tôt. 8h30, David Ferron avec la chronique du journal Zone Campus qui sort demain. Mm-hmm. Et donc, c'est l'émission d'aujourd'hui, de demain, pardon, entre 7h et 10h. Sur nos ondes, plus tard aujourd'hui, on est mardi, donc à midi, la rediffusion de Rock de Neurone. Ensuite, en direct à 15h, c'est Dans ta face avec Marc Gagné. 16h, les pas sortables. 19h, réanimation. Et 21h, matière noire. On est en direct tout le reste de la journée à partir de 15h. Donc, soyez-y, cif.ca pour la programmation complète. AssemblageRequis.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. On se quitte avec une pièce de Helen Kelter Skelter et Fly Through Clouds. Et on se retrouve demain à 7h. Hey, bon café tout le monde! Bye! Bye.